Hey, bonjour. Donc voilà, ben plus bonsoir et bienvenue à Anne et Kat, le podcast. Aujourd'hui, on reçoit la super matchie. Ok, ah mon Dieu, on est C'est là. Oh, commencé. je suis dans les deux écrans. Ouais, je sais, parce qu'il faut que vous parliez les deux, dans le fond, pour que ça se replace. Puis là, ben vous parlez pas les deux, donc. Ben moi je parle. Ouais, ça va juste être drôle. Ça va juste être drôle. Ah non, Donc. j'ai Ah, très ok. Je me peur. suis démutée, là. Bon, là, vous avez switché de place. C'est merveilleux. Là, pour les gens qui sont sur Oh, je vais iTunes pas dire. ou sur Google Play Music, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un visuel, puis Machi et Anbi Gaming ont switché de place. C'est juste vraiment drôle. C'est moi que le chat en ce moment. Ouais. Je me semblais que le chat. Donc, Voilà. c'est ça. Et pour ceux qui nous regardent en direct, dans le fond, vous aurez deviné que Anbi Gaming, dans la case Anbi Gaming, c'est Machi. Et dans la case Machi, c'est Anbi Gaming. On sait jamais. Eh oui, On a changé de hein? nom. Ouais, on a changé de nom. Ah, de toute façon, Matchy, ça a commencé à m'énerver un peu. Fait que pourquoi Wow! pas elle. Check Envy Gaming qui commence à bitcher Oh! Matchy, Elle est là, hein? là. Puis le monde qui voit pas, ils font juste entendre ça dans le. Comme par exemple, sur les enregistrements, ils vont juste entendre, puis ils verront pas, donc ils comprendront pas de quoi qu'on parle, puis ils vont penser que je suis une vraie Ouais, bitch. tout à fait. Ah, c'est vrai. Mais de toute façon, je vais l'expliquer, là, mais vite fait, là, Ben oui! Wow, les trois plus belles fans de Twitch, comment qu'ils vont? Hello! Bon, donc, OK, le monde dans le chat se salue, fait qu'on va les laisser se saluter. Et moi, je veux savoir, dans le fond, cette semaine, vous avez joué à quoi, vous autres? Donc, Mathie, ouais, on va commencer avec Mathie, ben, notre avant, on invité. devrait Oui? commencer avec la description. Matchy, c'est qui? Pour ceux qui la connaissent pas. Oh mon Dieu, Oui, mais je suis. désolé. Ouais. Ouais, Ben, Matchy, c'est c'est vrai, qui? on fait une grosse publicité. On a Mathie comme invité spécial. Mon Dieu, présente-toi. Oh mon Dieu, très spécial. Oh mon Dieu, Seigneur. Merci beaucoup pour ton host, Eric. Oui, hey, je viens de le voir. Puis en passant, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, hein, on est comme toutes buggy, là, non, pis là. Ouais, ben Ouais, ça. ah, c'est ça, hein, tu peux pas switcher le Ouais. Matchy puis Ah Avery parce que oui, je vais le faire. Donnez-moi 2 secondes. Là, pendant que Mathis se présente, je vais le faire, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Non, c'est parce que je m'appelle Anne maintenant. Tu vois pas, j'ai le chat noir ici et j'ai Francis dans un coin. Ben, Mais non, c'est parce qu'on s'est déguisé pour l'Halloween. Toi, tu t'es déguisé en moi, puis moi, je me déguise en toi. c'est vrai, Très c'est notre spécial podcast octobre. Halloween, ça, là. Ouais, je me suis Hein? déguisée sans mettre le costume. C'est bon, ça. J'ai pas les cheveux bleus. Attendez, je reviens. Non, la soirée, jamais les cheveux bleus, moi. Oh, Anne, t'es tellement floue, on se croirait en 1964. Écoute, Kira, la caméra, là, c'est la même que t'as. Je pense que c'est Skype qui capote un peu. Ouais, Skype avait Comme de le la changement de misère. cam, Skype, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais, c'est ça parce qu'on utilise, on est sur Skype présentement, puis disons qu'il y a eu une mise à jour, puis je pense qu'il est un petit peu fatigué. En fait, je pense que j'ai buggé Skype. Il m'a vu à la face, j'ai fait « Oh, tabarouette! » Wow! Que c'est ça? Puis Je sais que je vais essayer. je vais profiter de demander dans le chat là, si dans le fond il y a des bugs techniques ou de son ou peu importe de nous le dire. On va arranger ça. Puis Machi, dis-nous un peu, tu stream? C'est de même Oui, qu'on comme s'est connus? ça. Oui, c'est comme ça. C'est tout le monde qu'on s'est connu. Ben oui. Est-ce que je suis mais? Oui. Tu Oui. streamais J'ai pas genre de le mémoire. lundi et le vendredi. Oui, ah mon Dieu. Un Hein? quai de souvenirs. C'était C'était quel de souvenirs. J'ai l'impression de. À cette époque-là, là, j'étais. Non, c'est pas. Je suis pas si vieille que ça. Non, mais. Je suis aimée avant de lundi au vendredi parce que c'était le seul moment où j'avais le temps libre parce que je travaillais dans le fond de mardi à jeudi. C'était tellement fabuleux. Mais hein, après, je suis rendue à temps plein. Non Oh! payé, parce que c'est une autre histoire. Ah, Non, ça, je mais. savais Fait pas. que les lundis, bon, ben, je travaille. Puis là, ben, je pourrais continuer, dans le fond. Je voulais faire en sorte que les vendredis, je puisse streamer parce que j'ai vendredi off. OK. Si, mettons, j'ai pas beaucoup d'ouvrages. Mais en ce moment, je suis tellement occupée parce que je suis aussi une modératrice chez le serveur Intejustic. Fait qu'on Sur est tellement le plein de. serveur de Minecraft? Ouais, OK. Minecraft et Intejustic. Puis. avec toute la gang, on fait beaucoup d'événements. Fait qu'en ce moment, là, il y a des événements genre à chaque fin de semaine. Fait que c'est sûr que ça prend beaucoup de mon temps. Mais c'est ça, dans le fond, je vais essayer de me trouver du temps pour streamer. Parce que, dans le fond, j'ai commencé ça après avoir rencontré Pidgestick. Fait que, dans le fond, pour ceux qui me connaissent, je suis la maman de Twitch. Mon surnom, c'est Mamamachi. Je suis pas mal la mère de tout le monde. Puis à chaque fois que le monde a un problème, il vient dire « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Ben, moi, je suis là. Puis, T'as une très bonne oreille. voulez-vous la voir? Ouh! La droite Sexy! ou la gauche? Elle est souple. Fluide, non. Puis c'est ça. Fait que si vous voulez me rejoindre, c'est twitch.tv/matchy23. Ouais! Surtout, qu'est-ce que je vois live, c'est surtout du Minecraft et des dessins, parce que j'ai un ordi trop merdique pour streamer des jeux. Ouais, Plus fun. ben, Plus le fun. streamer en partant, c'est assez demandant, là, c'est assez difficile, là. Moi, personnellement, je trouve que PlayStation 4 fait très bien la job. Mais c'est ça. Puis, de toute façon, là, j'ai réussi à pouvoir filmer, genre, dans mon ordi des dessins, au lieu que ça soit en temps réel. Là. Des fois, c'est plus le fun de changer de style. Et des fois, je fais de la peinture. Puis d'ailleurs, c'est des choses que j'utilise pour récompenser ceux qui m'aiment écouter, puis qui sont présents, puis tout ça, quand ils montent des niveaux dans Amikiwa, à certains moments, à certains levels, ils ont des petites récompenses comme ça. Oh, c'est vraiment une bonne Voilà. idée. Oui, mais je voulais le remercier, mais je savais pas trop comment, parce que j'ai pas beaucoup de possibilités, tu sais, je veux dire, je peux pas acheter une clean Steam de même, tu sais, je veux dire, je suis mère monoparentale, c'est quand même ça qui est le plus important dans ma vie, là, c'est ma fille. Fait qu'on a besoin de manger. Elle a besoin de manger. Normalement, genre fois 10. Fait que c'est comme ça. Mais je voulais quand même les remercier parce que je veux pas, j'existe grâce à eux. Puis je les aime beaucoup. Puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça. Ben oui, c'est une super bonne idée. Là, on a eu un follow de quelqu'un qui a un nom en japonais que je peux pas. Konnichiwa! Ouais! Merci pour le host! Mon Dieu, je vois pas non plus. Asuna, désolé. C'était un peu. C'était un peu petit. Donc, merci. Merci énormément pour cette belle présentation, cher Machi. Merci de l'invitation, même si c'est moi qui m'a carrément invité. Ben oui, mais c'est des. En tout cas, pour moi, là, c'est. Avoir des invités, moi, je trouve ça super le fun. Puis des fois, ben, la majorité du temps, tu sais, je veux dire, j'y pense même pas moi-même. Je me dis, ça va-tu intéresser ou ça va-tu, tu sais. Donc, c'était. Quand tu l'as proposé, moi, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Ah, tant mieux, je voulais pas trop m'imposer. Oh! Ben, moi aussi, je trouve que c'est Pas cool comme. parce c'est Oups! qu'elle veut, ouais, moi, je trouve ça cool que tu sois là aussi parce qu'en plus, ça fait longtemps qu'on se connaît toutes. Ouais. Puis on sait qu'on Ouais. s'entend bien, puis tout. Puis ça, ça paraît aussi quand on fait des podcasts, puis des trucs comme ça, que j'aime ça, le fait que quand on connaît quelqu'un, ça y a comme un meilleur flow, souvent, que quelqu'un qu'on connaît pas ou que, tu sais, des fois, c'est comme Ouais. plus, un petit peu plus gêné ou. Ouais, C'est ça. ben, tu sais, on est plus à l'aise, là, c'est Ben, je suis normal. plus je suis contente que ma première expérience soit avec vous, que ça soit, mettons, et puis je sais que moi, je connais pas plus de monde que ça qui font des podcasts. Je m'excuse. Même si je connais, mettons, Alex, Matt, j'aurais été super, super, super gênée. Ben, Des on fois, s'entend qu'ils ont tout le temps un public de ça. Ben, 100 ça va quelques, bien là. aussi, là. Fait que, non, je suis contente que ma première fois, ça c'était vraiment weird la manière que tu dis. Première expérience, c'est toujours aussi weird. Ok, passons. Ouais, ben là, moi, c'est ça, j'étais curieuse de savoir, là, à qu'est-ce que vous avez joué cette semaine, ben le mois passé, dans le fond, le mois qui vient de se terminer, puis qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu, là, toi, Machi? Ah, c'est encore moi qui parle. Ben ouais. Ben, comme j'ai dit tantôt, je prépare des events sur Minecraft. Fait que c'est sûr que ce que j'ai joué énormément, c'est Minecraft. J'hésitais beaucoup entre parler de Heroes of the Storm. C'est un jeu que j'ai découvert vraiment récemment grâce à mes amis qui gèrent avec moi le serveur. Parce qu'à un moment donné, quand on est trop dans Minecraft, on a juste envie de s'entretuer. Fait Ah, que tant que pourquoi pas le faire ça! dans un jeu? Ah ben, à un moment donné, on est tout ensemble. Adam, c'est sûr qu'on se pète des coches ou on est comme, ah, je suis tannée de boire un bloc. Tu sais, c'est un peu normal, je pense. Une écœurantite aiguë des C'est blocs. ça, c'est ça. Et à un moment donné, ben, deux d'entre eux jouent beaucoup à ce jeu. Fait qu'ils ont comme fait, OK, les filles, venez. Puis nous autres, on était comme zéro total. Puis pourtant, je me suis dit, c'est impossible que j'aie aimé ce jeu-là. Impossible. Mais pourtant, je me suis retrouvée à moi-même lui dire, hey, on joue dessus. Mais c'est quand même un jeu que j'apprends encore à connaître. Fait que je me suis dit, je le connais pas tant que ça. Fait qu'en parler puis dire des affaires qui sont peut-être pas vraies, ça me mettait un peu mal à l'aise. Fait que là, après, on m'a parlé, hey, mais il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été parlée au Mincon. Fait que là, je viens en plus de dire, oh mon Dieu, c'est le fun, c'est Minecraft, je le connais. Je me dis, oh mon Dieu, il y a un Mincon qui existe dans la vie. Il y a des connes à toutes. Tu sais, il y a Anincon, Comiccon, j'ai dit bientôt, on va voir quoi, Mamacon, je vais participer à tout. Fait que je me suis dit, OK, bon, ben, je me suis mis à checker c'était quoi les nouvelles mises à jour qui vont être bientôt dans le serveur. Puis je trouve ça pas mal cool. Fait que j'imagine que c'est de ça que je vais parler. Ben Fait oui. que voilà. Fait que j'ai écouté, dans le fond, une grande vidéo qui est de français parce qu'en anglais, j'étais comme What the fuck c'est? I don't know. Fait que ça parlait qu'il va maintenant avoir possibilité de pouvoir créer des malédictions. Ça, c'est la première fois. Tu sais, je veux dire, on pouvait toujours enchanter, dans le fond, nos équipements, tout ça, avec plus de aura de feu, plus nanana. Mais jamais on pouvait faire des malédictions. Fait que une des malédictions qui va exister, ça va être que tu peux pas retirer ton équipement. Fait que, mettons, là, tu l'as, tu peux pas changer pour, mettons, changer un nouveau casque parce que l'autre va péter. T'es obligé, soit tu meurs, ou soit que t'as ta qui pète. Fait que t'es pogné avec ça, t'sais. Puis l'autre, ça va être, c'est la malédiction du vanish. Dans le fond, c'est que si tu meurs, habituellement, ton équipement reste sur place. Puis là, ben, tu te grouilles pour aller le récupérer. Mais dans celui-là, si l'équipement, la malédiction du vanish, va être disparu. Fait que tu l'as carrément perdu. Ouais, mais c'est pas plate, ça. Oui, c'est une malédiction. Mais dans ce temps-là, c'était celle de ne pas les avoir. Fait que je me suis dit, est-ce qu'on. Lui, dans la vidéo, j'ai vu, il la craftait, mais est-ce qu'on peut arriver avec. Mettons, quelqu'un te donne de soi, puis tu l'as, puis t'es. Tu sais, je ne sais pas encore trop comment on va pouvoir utiliser ça sans se faire arnaquer, tu sais. Je veux dire, le monde qui voit, Ouais. ben là, une malédiction, là, il ne l'aurait pas, tu sais. C'est plein d'affaires, mais la personne n'en parlait pas. Fait que je me suis dit, bon. J'imagine que je vais faire mes propres Ouais. tests. Hein? Moi, en tout cas, j'y veux pas. Moi non plus, quand t'es pogné, mettons, avec un casque, puis il est vraiment mauvais, là. Ouais. C'est comme. OK. Puis ou bien t'as ton épée est super hot, mais il y a un vanish dessus. T'es comme OK, il faut pas que je meure. Non! Ce qui m'arrive à tout bout champ. Ouais, Ma fille rit en arrière, désolé. c'est drôle. Je suis désolée. Je suis pas comme, mettons, Francis qui dit à Anne, reste dans un coin, et respire plus pendant que je fais mon linge. Ouais. Ah. C'est pas, peut-être que Francis met Anne dans une cage, puis je suis pas au courant. Non, à vrai dire, il stream surtout soit quand je suis à l'école ou quand je suis couchée. Okay. Ouais. Donc là, hey, on a le... Ah, ouais. Là, toi, Andy, tu as joué à... Ben, tu nous parles de quoi? Ben, moi, j'ai joué à trois jeux environ. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres, là, mais les trois principaux que j'ai joués sont Dead by Daylight, bien évidemment. Justement, j'y joue souvent avec Tetsus, puis une nouvelle petite mise à jour. Pas une mise à jour, mais on peut maintenant acheter un pack avec des déguisements des années 80 à environ 2 ou 3 $. Je l'ai pas acheté, par exemple, je l'ai pas essayé. Mais est-ce que quand tu l'achètes, y a-tu juste ton personnage qui est habillé comme ça Non, ou ça fait que tout le c'est monde. toutes les persos. Que toi tu le Donc, là. vois, eux le vois-tu? OK. Hein? Donc, c'est vraiment tout le monde. Après ça, j'ai joué aussi à Legend of Zelda, Wind Waker, qui était celui qui a été fait pour l'édition Game of the Year, dans le fond, de Nintendo, qui était à 25 ou 30 $. Puis j'ai joué aussi à Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Resident Evil 6 avec OneUp, justement, pendant son live. J'avais déjà fait de mon côté, sauf qu'on se disait à deux, ça pourrait être vraiment, mais vraiment nice, là. Oh my god, parle, Mathie! Ah! Quand on voit que c'est en gros, là, on parle. OK. Ah! Mais. Bonsoir. Mais c'est ça! C'est à ça que j'ai joué de mon côté. Ah, c'est parfait, ça. Moi, j'ai joué à Quantum Break. Ça fait un petit bout qui est sorti quand même. C'est une exclusivité Microsoft. C'est un jeu qui est vraiment intéressant. Dans le fond, tu fais un chapitre. Dans le fond de jeu, là, c'est... Et ensuite, t'as un chapitre, là, que c'est une émission de télé que tu regardes. Puis, les choix que tu fais vont influencer le jeu et également les épisodes que tu vas avoir. Puis, moi, qu'est-ce que j'adore, là, puis ce jeu-là, il fait ça, c'est que ça te permet de comparer les choix que tu fais par rapport à ta liste d'amis. Donc, moi j'adore ça, puis je suis comme la seule dans toute ma liste d'amis là, qui a fait des choix là, assez sadiques, là, puis tout le monde dans mon chat On me me voit encore en gros jugeait. plan! Yeah. Ouais, mais ça va Oh, revenir tout seul. mais c'est tannant, j'aime pas ça me voir en gros plan de même. Ben, Ouais, t'es c'est ça que je tassé, voyais au en fait. début. Le reste, c'est Puis, dérangeant. mais c'est vraiment bizarre. ouais, Je suis c'est... pas à l'aise, genre. Ben, c'est parce que toi, Scab est rendu qu'il y a comme les deux en même temps, mais en tout cas, c'est weird, là, mais c'est ça. Ben. Puis, c'est ça, puis moi, les choix que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme le nom le dit, là, il y a un Quantum Break, il y a un espèce de cassure dans l'espace-temps, puis ça permet, là, de jouer avec le temps puis les époques un peu, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis vraiment original, Encore. puis j'ai vraiment apprécié. Je l'ai loué, parce que je voulais l'essayer, je l'ai loué avec d'autres jeux, puis j'ai vraiment... Fermez ma cam. J'ai Ça me vraiment... déstabilise, sérieux, excuse. En Mais gros plan, j'aime vraiment pas ça. Faudrait juste faire un petit bruit. sérieusement, Ouais, Quantum Break, là, c'était étrange le mélange du jeu et des petits films. Ah, moi j'aimais ça, mais t'es pas la seule. Quand je l'ai streamé, il y a des gens qui me le disaient, là, hein, mais là, comment ça qu'il y a une émission de télé, puis c'est pas un jeu, puis comment ça que tu peux le streamer, puis... Mais moi, pour moi, là, c'était super naturel, puis j'ai vraiment aimé ça, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, là. Mais toi, c'est quoi qui te mettait mal à l'aise là-dedans, Machi? C'est pas que c'est mal à l'aise, c'est juste que c'est très nouveau. Parce que quand je l'ai vu, je l'ai vu avec Épée et Jacek. Puis, tu sais, c'est comme, je m'y attendais parce que Alex me l'avait dit. Ouais. Mais, je sais pas, c'est comme, mon Dieu, c'est drôle d'y voir maintenant tout en réel et tout ça. Puis, il se passe de quoi, puis qu'on peut rien faire. Parce qu'ils ont décidé que c'était ça, la cinématique. Puis, je sais pas, c'est comme, est-ce que c'est quelque chose qui va devenir nouveau? Est-ce que c'est un nouveau mode de jeu qui va s'établir? Ou c'est vraiment juste ils ont essayé puis... Ben, j'aurais pensé que ça aurait créé une mode aussi, mais pas en tout. Non, hein? Il y a aucun qui a embarqué. Mais c'est parce qu'il faut pas oublier non plus que là, tu fais un jeu, puis là, il faut que tu aies des acteurs que tu modélises. Merci beaucoup, Flamme, pour le follow. C'est très apprécié. Et je t'invite à rendre un petit follow à Machi et à Envy Gaming également. Ouais, on le connaît. Même moi, je le connais. Ah, ok, bon, mais Il était désolé. justement à Chicoutimi quand on y était. Ah, cool! Je savais pas. Puis, c'est ça, donc, dans le fond, ça doit, tu sais, il y a des frais, là, parce que faire une série télé qui va juste dans un jeu vidéo, moi, je m'en serais attendu ce qu'on aurait pu voir cette série télé-là à la télé ou sur Netflix ou je sais pas quoi, là, mais non, non, tu sais, c'est vraiment, là, focusé pour le jeu, puis on dirait que ça n'a même pas donné le goût à personne d'autre de le faire. Moi, j'ai trouvé ça super urgent, j'ai embarqué là-dedans 100%, mais probablement Peut-être parce que... que c'est trop cher à Mais faire. ça, j'ai une question. Vous trouvez pas que ça ressemble beaucoup à Heavy Rain puis ces jeux-là? Où est-ce Non. qu'il y a des choix puis qu'on voit les notes des autres et tout? Ah, ben, moi, je trouve Oui, que... mais Ouais. les choix, je trouve. Ça, c'est comme vraiment extrême. C'est toi, c'est blanc ou noir, mais t'as rien entre-temps. Moi, ça me fait plus penser, ça me rappelle un petit peu plus la jouabilité qu'on a dans les Telltale, là. En tout cas, moi, je fais Batman Telltale, là. Fait que je peux juste me comparer à ça, là. Plus que à Heavy Rain, là, puis à l'autre, là. Beyond Two Souls. Ouais, c'est ça. Parce que Oui. ça, là, Beyond Two Souls, puis Heavy Rain, là, c'est des exclusifs PlayStation qui ont vraiment leur propre façon d'être construits, avec des Quick Time Events qui sont vraiment proches à PlayStation, que j'ai revu un peu quand je jouais à Ratchet and Clank. Tu sais, PlayStation a vraiment sa signature propre. Fait que Okay. Puis il n'y en a pas, par exemple, dans celui justement que Non. Quantum Break. Je l'ai Non. pas vu, moi, j'y ai même pas joué, puis OK. je vais pas me spoiler, mais je me dis ça a Ouais. l'air nice. Mais je sais pas jusqu'à quel point que c'était. Non, c'est vraiment genre. Ça me fait vraiment penser à une série télé, là, puis t'as l'option d'être ton héros, puis de faire tes choix. Fait que. Ouais, fait que c'est ça. Puis, sinon, je vais faire un petit récapitulatif vite, vite des jeux qui sortent ce mois-ci, dans le fond, qui vont sortir en octobre. Puis, il y a Warhammer End of Time Vermintide. Je sais que c'est un jeu assez niche. Ça sort le 4 octobre. Dans le fond, il est déjà sorti, il est sorti hier. C'est vraiment niche, puis les gens qui jouent, ils jouent là, intense. Mais on dirait que ça passe inaperçu pour les autres. C'est un jeu où ce que tu dois absolument. Mettons, c'est un jeu, mettons 5 contre 5, puis tu dois absolument jouer avec 5 personnes. Tu peux pas jouer avec des bots. Qu'est-ce qui rebute pas mal le monde. Rocksmith. Qui est sorti hier. Mortal Kombat Ça, c'est également. nice. Ouais, ben c'est un pack là. Mortal Kombat XL et Mortal Kombat Pack 2. En tout cas, ben ça sort sur PC. Fait probablement que sur console, il était déjà. C'est ça. Aujourd'hui, c'est bizarre, un mercredi. Call of Duty Modern Warfare Remaster Campaign. Ah, ok, c'est juste. Ouais, c'est les maps. Ah, wow, ok. On Avec s'entend-tu? les maps et tout, des anciennes. Ben, je sais pas si le jeu sort, j'ai pas fait les vérifications, mais je sais que les gens disent que ça va être avec les. C'est leur map préférée, là. Ok, parce que moi je connais comme absolument rien des Call of Duty, fait que je suis vraiment Moi non plus, désolée. je Ouais, on trouve va se fier. que. Non, moi, j'attends Genre. juste les nouveaux, là. Je joue pas aux ceux-là qui sont refaits, des choses comme ça, parce qu'à date, j'en ai pas vu qui ont été refaits, puis je trippe pas, moi, personnellement, là. J'aime ça quand c'est les nouveaux, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué, anyway. J'étais pas mal plus Overwatch ces jours-ci. Mafia 3, j'ai entendu vaguement parler. Je sais que c'est super populaire pour les fans de GTA puis tout ça. Et Paper Mario Color Splash, ça sort le 7. Nintendo Vive qu'on. les Paper Mario. Ouais, Nintendo qu'on sait qu'ils sont reconnus pour sortir leur jeu un vendredi. Par en plus, c'est un vendredi du long week-end de l'Action de grâce canadien. Hein? Hein? Fait que. Puis Call of Splash, moi, sérieux, il m'intéresse, mais j'ai tellement de trucs à faire puis de retard dans mes jeux que je me suis juré d'attendre avant de me racheter d'autres jeux. Tenez bon qu'il veut y en avoir un match à trois. Moi, c'est sûr, Paper Mario, si Alex le fait, je vais le découvrir avec lui. Ah Les ouais! Paper Mario, je les ai découverts avec Alex. Oh, moi C'est j'ai. une série que je me disais, ah, oh, je sais pas, moi, là, les tours par tour, là, ça m'énerve. Ah ben justement, Ça les derniers m'énerve. sont pas tour par tour. Non, les nouveaux le sont pas. Ouais. Donc c'est ça. Moi, j'ai celui-là sur 3DS, puis j'ai même pas joué encore. Moi, c'est moi mon préféré. Celui que j'ai détesté le plus, là. Pour vrai? Ouais, moi mon préféré, c'est le premier qui était au Nintendo 64. Non, j'ai beaucoup aimé aussi celui-là au GameCube. Mais on dirait que plus que ça avance, moi je les aime. Ok. Eh Je suis ben. déçue! Fait que Bon. j'ai des grosses attentes quand même à celui de ce vendredi, là, Tu vas-tu mais. te l'acheter ou. Oh, si, c'est plus une question financière, mais Ouais, si je. le budget, là. Ouais! Ouais. Puis, sinon, le 11, on a Gears of War 4. Il y a Rise of the Tomb Raider 10 ans plus tard pour les gens sur PlayStation 4. Ah, c'est une joke, c'est une joke. Hey yo. Après ça, il y a Batman Arkham VR. Fait que ça, c'est juste. Wow, OK. Et puis, il y a Metal Gear Solid 5 de Definitive Experience, mais il est déjà sorti. Mais c'est quoi? C'est comme un Game of the Year, sûrement? En tout cas, c'est une édition spéciale. Dragon Quest Builders sur Vita et PlayStation 4. Il y a encore des choses qui sortent sur Vita, tout Vita le monde! existe encore? Ça a l'air! Pour ce qui est du 13, le PlayStation VR qui sort, c'est bien cool! Ils sortent Batman le 11, mais la PlayStation. Le Batman VR le 11, mais PlayStation VR sort le 13. Mais Ben, dis peut-être que donc. lui, avec le Batman, sort 2 jours avant avec le VR, peut-être. C'est Ah, ok, peut-être une édition peut-être. spéciale qui vient avec, puis qui font, ben là, nous autres, si vous achetez le jeu, vous allez l'avoir 2 jours avant tout le monde. Ah, peut-être. Faudrait aller voir ça. Après ça, le 14, on a la bêta de Call of Duty Infinite Warfare. Ça, c'est le meilleur. C'est C'est le meilleur à date dans la liste. C'est sûr que Gears of War aussi, je l'attends, là, mais les gens sont assez Ouais! négatifs envers le jeu. Parce... Mais les gens chialent souvent que c'est toujours la même chose, mais là, c'est différent, puis ils sont pas contents. Ouais, J'ai hâte de mais. voir ce qui va se passer. Moi aussi. C'est différent. Attends, celui-là, il est différent. Pourquoi? C'est un jeu par rapport ou est la même affaire? Il est Pour de moi, les quoi? jeux de par rapport sont égales, même affaire. Les maps qui sont différentes, mais c'est parce que celui-là, ça va être plus dans l'espace, plus futuriste un peu. Ouais, puis ça, c'est niaiseux, parce que dans le Mais. futur, tout le monde, tu sais, c'est Halo, là. OK, fait que Pas c'est la map, nécessairement, là. là. Tout le Oui. but, c'est de la map. Ben non, mais c'est aussi des histoires, le mode histoire qui suit. OK. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est parce que ce qu'ils ont fait avec celui-là, c'est que c'est beaucoup plus futuriste, tandis que leur compétiteur, le premier compétiteur, qui est Battlefield 1, est beaucoup plus comme dans les premières guerres. Fait que j'ai hâte de voir Qui qu'est-ce va qui va se gagner? passer. Ben jusqu'à maintenant, je dirais que Battlefield est gagnant, mais j'ai hâte de voir une fois que la démo ou la bêta de Call of Duty va être sortie. Pour ce qui est du 18, on a Rock Band Rivals et Batman Return to Arkham. Il est tout le temps rendu à Arkham, lui. On sait pas pourquoi. Ah, c'est sa ville. Ben, Arkham, c'est. Ben, c'est la ville, c'est Gotham. Puis Arkham, c'est la maison de fou, là, où ce que Joker, puis. Arkham Asylum. Ouais, fait que. Ensuite, Battlefield. Ah, ben oui, c'est vrai, parce que tout le monde joue à la bêta. Fait que dans ma tête, il était sorti. Fait que là, j'étais surprise de le voir Non. là. Donc, Battlefield 1, qui fait un saut dans le temps à la première guerre, c'est tellement intéressant, là. Moi, j'adore ça. Et puis, toi, Mathieu, c'est-tu un jeu qui t'intéresse? Battlefield? Ouais. Pas tout. OK. Ça sort le 21. C'est vraiment pas mon style. Ça sort le 21 avec Lego Harry Potter, la collection. Harry Potter, Ouais, j'adore ça. et civilisation. Parce que la fin, là, 6. Civilisation. Civilization, c'est populaire, ça aussi. Ouais, ben, je Ouais, sais pas, ça. Je suis une super fan des jeux de gestion, puis j'ai jamais embarqué dans Civilization parce que c'était comme trop vieux pour moi. Fait que c'est ça. Puis fait que là, c'est quoi, là? Arkham serait une ville dans Gotham. C'est J'ai comme par jamais entendu exemple ça. avec. Comme l'exemple qu'il donne aussi, là. Ah, ok, Il a dit d'accord. Manhattan, New York. Répète-moi d'un ça. D'accord. Harry Potter. Ah, arrêtez de D'ailleurs, rire, moi. parlant de Harry Potter, il va y avoir deux livres qui vont bientôt sortir. Ils ont Ah été sortis en anglais, mais là, ils vont sortir en français. ouais? J'ai hâte! En Ah oui, plus les Stranger du Beasts, film qui là! arrive, le film qui arrive au mois de novembre. Ouais, mais c'est Pardon, des Harry désolé. Potter sans Harry Potter. C'est con. Non, les livres vont avoir Harry Potter dedans. Ah, ok. Ah, je savais pas. Ok, puis là, on est quasiment fini. Le 25 octobre, il y a Dark Souls 3, Ashes of Ariandel DLC. Fait que ça, Oh, c'est... ça, Connaissant Dark Souls 3, ça doit être une merde, là, où ce que tu faut que t'aies fini le jeu 25 fois en plus 36, là, hein? pour pouvoir faire le DLC, là. En gros, Wana, ça t'intéresse-tu, ça? T'as un Ouais, ça, c'est sûr et certain qu'il va se l'acheter. JP Dragoon, il dit Ouais. Arkham, c'est une île pénitentiaire. C'est comme Guantanamo. Non, Ben non, Guantanamo, c'est une prison en Cuba. Mais mais c'est un exemple, c'est c'est une la île. prison, je le savais, En tout cas, bref. Puis, le 25, il y a World of Final Fantasy sur Vita et PlayStation 4, je tiens à préciser, Vita. Puis, Titanfall 2, et oui, ils ont décidé de faire un 2, on va arrêter de faire ce joke-là, tout le monde l'a fait, qui sort le 28 avec The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, qui sort le 28, que j'attends à grands pas. Donc, voilà. Les petits jeux comme Elder Scrolls, Civilization, est-ce qu'il y a un jour où vous pensez qu'il y a une fin dans les chiffres? Il y a quoi? Moi, je pense pas, parce Un que Civilization, c'est vraiment avec la civilisation au travers du temps, donc ça peut toujours être à refaire, tandis que Skyrim, c'est vraiment une histoire dans un monde Elder Scrolls, etc. D'accord, je vois. Dans la liste qu'on vient de parler, y a-t-il des jeux, vous, qui vous intéressent? Paper Mario! Ouais. C'est sûr. C'est vrai que Paper Mario, il va être cool. Sinon, il y a justement celui qu'on parlait avec Gears of War. J'aimerais beaucoup ça y jouer, mais je vais attendre un peu parce qu'il est un petit peu dispendieux au plein prix. Ouais. J'avais parlé de l'histoire, là, ça a l'air un petit peu dark là, la dernière fois, au dernier podcast que j'étais là. Fait qu'on dirait que c'est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, il y avait Call of Duty, j'ai hâte de voir la bêta. Puis c'est environ ça. Toi, Mathieu? Mais après Paper Mario, tu sais, j'ai comme le Rise of the Tomb Raiders parce que bon, j'aime ça, Tomb Raider. Mais en même temps, je me dis, Skyrim, j'ai tellement entendu bien parler que ça commence à faire à m'ouvrir une petite twitch là. Je suis comme, ah, ah ouais, Skyrim, ah ouais, Fait C'est quoi, que. Skyrim? De quoi je joue du bâtard? Quoi? Je sais pas, s'il faut que je joue. Ah, à Dark Souls! Oh! My God, ok. Ben, j'ai le Dark Souls que justement j'ai gagné sur la chaîne OneUp. Oh! Merci, OneUp. Elle a J'ai formé. encore jamais joué, mais c'est parce que mon ordi, je pense qu'il va mourir si j'essaie d'ouvrir ça. Va faire. No, no, no, I'm sorry. Ah, Paper Mario! Ben Mais il oui! sort juste vendredi! De 1, c'est ça, il n'est pas encore sorti. Ouais! Puis de 2, je J'oublie! joue pas. Achète-le! Achète-le! J'ai pas l'argent, c'est plat. Fait que faut utiliser ça à Alex. Comme ça, je vais pouvoir le voir. Ou Wanam pourrait le Ouais, streamer si t'as le temps. lui-même. Ouais, ou toi, voilà. Si tu Ah! le stream, je peux Ouais! être sûr que je vais toujours être collé à toi. Puis pour moi c'est Skyrim parce que dans le fond j'ai jamais joué à aucun Skyrim de ma vie parce que moi dans le fond j'étais Ben, on a juste raciste. un Skyrim à date. On a juste un à date, un Skyrim. Ah oh, ouais, mais c'est parce que mes amis qui Ah, sont tu veux dire comme. un autre Elder Scrolls? Ben, c'est à cause que moi, mes amis, là, ils fans finis de la franchise, là, considèrent que toutes les Elder Scrolls puis les Skyrim font partie de la même histoire puis c'est le même jeu, là. Oui, well, Fait que ouais. c'est pour ça que je dis ça, là. Ah. Mais, en tout cas, ces affaires-là, j'ai jamais joué à ça de ma vie parce que j'étais vraiment full raciste, plein de préjugés. J'étais convaincue que Wow. c'était un. Raciste. Voyons, c'est quoi le jeu, là? Je pensais que c'était comme For Honor. Ah, j'ai pas joué ça par exemple à Foreigner. Mais, Moi non plus. c'est dans le fond, là, Foreigner, là, c'est un jeu où ce que tu joues avec plein d'autres mondes, puis dans ta map, puis tu choisis ta race, là, soit que tu es un viking, un guerrier japonais, là, un semi-samouraï, là, ou ben Yakuza. non. Non, c'est les Non. Yakuza, c'est parce que c'est vraiment dans l'ancien temps, ou C'est ben non, récent, ouais. non, One-Up, je n'ai pas joué à For Honor. Puis, fait que, mais c'est ça. Mais je pensais que la série des Skyrim et Elder Scrolls, je pensais que c'était le même principe que tu jouais dans le fond, Machi! Pow! que tu jouais tout le temps contre des gens, puis que c'était juste du combat, là, player versus player. Mais après ça, avec le temps, Juste j'ai est commencé à. vraiment bonne. Excusez. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que les Skyrim puis Elder Scrolls, c'était des RPG classiques. Puis tout le monde adore ça. Puis j'avais peur aussi que ça soit comme Dark Souls. Puis je me suis rendu compte que non, c'est un RPG super classique. Fait que quand j'ai compris ça, je me suis dit, Colin, il faut que j'y joue. Puis là, j'étais intéressée à me les procurer, mais après ça, ils ont annoncé, comme au dernier E3, ils ont annoncé cette édition-là. Qui allait sortir sur console, qui allait être remasterisée, revampée, vraiment tout allait être mis ensemble pour l'histoire et etc. Donc je me suis dit, c'est ma chance, fait que je vais acheter ça, je vais jouer à ça, ça va être dans le fond, mon initiation là, à la compagnie. Toi, Mathieu, t'as-tu déjà joué? Non. Non? Non, vraiment pas. Ok. Ça me disait comme un peu quelque chose, mais Ou ok, sans là, plus. tu me confirmes que finalement, je me suis juste Ok. Puis sinon, moi, l'autre jeu qui m'intéresse, c'est World of Final Fantasy. C'est sur Vita là, et PlayStation 4, si je me souviens bien. Puis c'est comme vraiment Final Fantasy en chibi. Je trouve ça super mignon. C'est un petit RPG vraiment mignon. Puis moi, j'adore les RPG. Fait que c'est sûr, moi, ça m'intéresse au bout. Je sais que la majorité des fans de Final Fantasy ont comme fait Ew! Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai jamais joué à Final Fantasy de ma vie. Jamais. Non. Jamais. Tu veux commencer avec ça? Ben là, ben je vais. C'est le 15 là, qui Non. sort bientôt, qui a été retardé. Ouais. Bon, ben c'est ça, je le veux le 15 aussi, là. Fait que. Cette date-là, je me la Je jette. sais. Final Fantasy XV, je sais pas. Comment je le vois? Je le vois pas vraiment comme un Final Fantasy. Genre, la bonne base qui a Ouais. rentré dans. En tout cas. Fait que c'est sûr que si tu commences par le 15, puis mettons, tu recules un peu, tu vas voir que c'est carrément d'autres choses. Hein. Mais je veux dire. Il a l'air super bon, là. Moi aussi je veux jouer là. Peut-être parce que c'est Vous ça avez-tu mon fait le enfance, démo? I guess. Ouais, vous avez-tu fait le Oui, démo? j'ai fait la démo. Moi Ouais, aussi. c'était full cute là, dans son rêve, tout ça. Puis la petite bébête, là, t'es comme. Ah, je veux tuer jusqu'au bout du monde! Puis Ouais! après C'était j'ai pas triste! là, Vraiment! je... le démo fini. C'est ça. Mais c'est ça. Puis sinon, c'est le temps de nos petites critiques. Ben, je trouve ça négatif de dire ça critique. C'est le temps de notre petite review. Savoir qu'est-ce que tu as le goût de nous parler cette semaine, Mathieu? Ouais, parce que critique, c'est comme bon, on critique Ouais, quoi? c'est On comme genre, OK, là, on a un sujet, critique on va chialer. quoi? Voilà! Voilà! J'ai rien à dire sur toi. On continue. Une review. Je vais parler d'un jeu que je suis accro depuis. Attends, j'ai commencé il y a quoi? 3-4 jours? C'est quand que je l'ai. En tout cas, quand je l'ai posté sur Facebook, ma room, c'est là que j'ai commencé. C'est PewDiePie Tuber Simulator. Écoute. Si là, ça me donne envie de vouloir acheter des box juste pour avoir une meilleure, un meilleur dossier, un meilleur ci, un meilleur ça, là. Je suis comme. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi qu'est-ce qui m'accroche en plus autant. C'est vraiment niaiseux. C'est comme. C'est pas si exceptionnel que ça. Mais c'est cool. Il était fait à Montréal, pis tout. Pis là, plus que t'avances, plus que t'en veux plus. C'est comme addictif. Parce que ça Mais. coûte cher! Plus que ça coûte cher! Pis Ah! c'est. Ben, moi, Et j'ai une puis après, question. c'est une raison, J'ai une les question. raisons. Vous êtes-tu du genre à mettre de l'argent, vous, dans des jeux sur mobile? Pas moi. Ça m'est déjà arrivé, mais peut-être pas sur mobile, pardon. OK. Parce que Ça je m'est me dis arrivé. à un jeu de. Ok, je vais faire fucking quétaine. De simulation de romance. Oh! Je Moi. voulais vraiment la suite de l'histoire, fait que. Non, à part de ça, non. Ben, moi, on dirait que je mettrais pas d'argent là-dessus parce que je me dis que d'ici 1 ou 2 mois, je vais sûrement me tanner comme avec Pokémon Go. Fait Ouais, que. c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est un jeu qu'on va se tanner très vite? C'est sûr que si tu finis Ouais. par tout avoir, Ouais. Ça, là. t'auras plus de but. Là, on a tellement des buts. On veut agrandir la chambre. On Ouais. veut avoir un meilleur espoir. On veut les meilleures affaires. On veut accomplir des défis. Puis, on veut savoir quand est-ce que PewDiePie va nous reparler dans une affaire de nouveau. C'est ce que moi, je te dis. Ah oh, non, PewDiePie a déjà fini de me parler, mais à chaque fois qu'on finit un défi, il revient. C'est vraiment drôle. Fait que là, je me suis dit, hey, si je mets un poster de canard, il va-tu me parler? Non, il n'est pas venu, là. Oh! Mais ça, c'est le Mais le fun plus. parce que dans le fond, il fait comme nous popper. Mais toi, dans le fond, le jeu, en gros, c'est que l'application, on se fait un petit bonhomme qu'on personnalise puis qui publie des vidéos sur YouTube. Fait que toi, en tant que streamer, est-ce que tu te reconnais puis c'est pour ça que l'application, le petit jeu, t'intéresse ou c'est pas relié? Ben. Ben, ça m'intéresse parce que j'ai déjà voulu. Ah, je viens de voir, elle passe en arrière dans mon écran. Parce que la plateforme YouTube m'a déjà intéressée, elle m'intéresse encore. Puis je sais toujours pas où me retrouver. Fait que c'est drôle de voir que je peux être dans cet univers-là, mais sans vraiment y être tout de suite. Parce que je suis comme pas prête. Fait c'est peut-être pour ça que je suis autant addictif. Je me dis, ah oh, mon Dieu, mais c'est-tu vraiment ça? Mais en même temps, c'est pas ça parce que je passerais pas mon temps devant un écran. Ouais. Mais ben, l'ordre d'affaires, tout ce qu'elle fait, c'est clic, clic, clic, Puis elle a clic, comme des clic. yeux méchants. Moi, mon homme a comme des yeux méchants derrière l'ordi, mais comme. Ouais, on dirait qu'elle fait comme. Bon, c'est cave. Mais j'ai remarqué Ouais, aussi, vous avez vu c'est avec le pas. premier jeu de PewDiePie, il était genre, on n'avait pas besoin de payer rien, tout était inclus. Tandis que là, on dirait qu'il y a beaucoup plus de place aux annonces, beaucoup plus de place aussi aux transactions. J'en pensais quoi de ça, Si vous? tu veux une augmentation, faut que tu regardes une pub, Mais mais. c'est ton choix. Elle t'est pas Mmh. imposée. Tu Oui, choisis. Ça, c'est c'est bien. vrai. Mais Ça, le c'est premier bien d'avoir le jeu. choix. Ouais, le Parce que premier je jeu. sais que Cinnamon Toasken, son ami, il a beaucoup jugé à cause de ça, là. Ben, Il a moi, même fait une vidéo là-dessus, là. Ben moi, je sais qu'il y a gros du monde qui ont aimé ça, genre. Ils l'ont dit. Ça, c'est le fun parce qu'il y a de la pub, puis j'ai le choix de la voir ou pas. Mais faut pas oublier non plus que le premier jeu de PewDiePie, Legend of the Brofist, il est 6 et 69. Il était pas gratuit? Non, moi, c'est pour ça que j'ai Non, non, il jamais fallait acheté. payer. Non, c'est ça. Moi, mon père, ça l'est acheté sur son cellulaire, puis là, j'étais fâchée qu'il l'ait pas acheté sur l'iPad. J'ai jamais pu jouer. Puis j'ai jamais. Ben, c'est parce que moi, je joue pas à des jeux sur mon téléphone parce que. C'est un iPhone, fait que je le regarde trop longtemps, là, puis la batterie, elle s'en va, tu sais. Donc, moi, Moi, des c'est... fois, là, il me reste 30% de batterie, puis mon sel ferme. Sérieux? Ouais, mon sel est fini, mais j'ai encore un an à faire avec mon contrat finisse. Ça m'énerve. Fait que quand je dois jouer, il est branché. Tout est branché, comme ça, je me dis, il n'y arrivera rien. Ouais. Mais ça, c'est une bonne chose, justement, qui me donne le choix. Ouais. Parce que j'ai pas joué au premier jeu, à la Légende de Blofist. Puis c'est drôle, ça me tentait pas plus, parce que c'est juste un affaire de runner, dans le fond. Tu sautes, puis tu évites les titres, puis ouh. Mais ça, mais tu sais, tu vas prendre tes propres décisions, tu augmentes tes points de niveau comme tu veux. J'ai l'impression de plus pouvoir gérer. Puis en même temps, ben, yes, je veux une augmentation de vitesse pour avoir plus de vues. Ben, regarde, je me mets une petite pub, puis pourtant, ça me dérange pas plus que ça. Tu sais, au lieu que des jeux où tu es obligé, là, genre, tu tentes de jouer, puis finalement, il y a une pub qui te pop dans la Ouais, face, ça c'est comme, vrai. t'es où, toi? Je t'ai pas demandé, je t'ai pas invité, je sais pas. Fait que non, ça c'est un bon point. Puis sincèrement, là, parce qu'au début, je savais pas que c'était les gens de Montréal. Puis, tu sais, parce que. Puis le père, qui est Swedish, puis tout ça, je me suis dit, ils vont faire de quoi avec une grosse affaire. Puis finalement, c'est fait. Le Montréal, c'est comme, waouh, salut Simon. Ben c'est Ouais, cool parce cool. qu'ils ont repris les mêmes que la première équipe. Fait que C'est ça, c'est c'est peut-être que la cool. troisième. Ben, Ouais, c'est ils vont ça, mais faire dans le un autre fond, jeu. le studio qui a fait le jeu, c'est Out of Minds. Puis la personne qui s'occupe, là, dans le fond, des gestions de communauté, puis tout ça, là, c'est Guise de Pessimi qui a deux chaînes YouTube. Donc, c'est peut-être comme ça que lui et PewDiePie se sont connus. Je sais pas trop. Je sais Aux deux, ils que. travaillaient pour Machinima au Canada avant. Ah, ok, quand même. Donc, c'est sûr que ça l'aide un peu là, à rencontrer, mais on voit que les deux ensemble, ben, je parle du studio et de PewDiePie ensemble, ça fait vraiment un mélange, parce qu'on voit que les deux, les jeux sont très rétro, il y a de la musique rétro, ça fait vraiment les 90. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, on voit que c'est vraiment une belle équipe, puis quand PewDiePie parle de son jeu, tu vois qu'il aime ça, puis tu vois que ça correspond vraiment à ces choses, puis tu sais, il y a des affaires, là, moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que PewDiePie, il va parler quand même des fois de ses chiens, puis c'est des carlins, puis dans le jeu, ils sont là, tu sais, Ouais. en tout cas, c'est vraiment drôle, Maya, là. puis Ouais, puis tu sais, quand tu joues au petit jeu de billes, en background, tu vas en voir un, puis en tout cas, fait que tu sais, c'est vraiment plein de petits clins d'œil qui sont ouais, c'est super drôle, mais drôles. des fois, l'aigle me tape ses nerfs. Je suis en train de faire Oui! de quoi? J'aurais placé un œuf, puis Ah, moi, j'aime ça, je me dépêche de peser dessus, là, il va me donner plein d'argent. Ben moi, il Ouais, c'est m'énerve stressant, aussi, genre, il crie, puis ouais! là, il passe, puis il repasse, puis il passe, puis je suis comme, ta gueule, là! On dirait qu'il dit, prends pas moi, t'es venu me pogner tout de suite. C'est comme, sinon, il va te gosser, il va passer tellement de fois si tu le pognes pas là. C'est comme, ok, gars, ok, c'est correct, je te pogne. Des fois, je me trouve mal à plaisir de vouloir lui taper sa tête. J'essaie de voir, là, je dézoome, puis je suis comme, ok, il est où? Mais bon, ça, c'est un petit kiff pour moi, de ça. Bon. Non, mais c'est quand même un bon jeu, mais est-ce que ça va avoir une grande durée? Moi, je pense pas, parce que je me dis, on est déjà quand même rendu assez loin. Les objets sont déjà. Level 10, t'en as quand même beaucoup. Mais je sais pas, je pense pas que je vais jouer à ça encore tous les jours pendant plus qu'un mois, là. Parce que Moi non moi, plus. mais moi, qu'est-ce que je me dis? Moi, j'ai comme une espérance qu'il y a quelque chose de plus. Parce que t'as comment qu'on dit? Tu peux. Là, moi, je suis rendue que je peux faire deux vidéos en même temps. Puis là, le maximum, c'est trois. Comment t'as eu ça? Ben, tu te débloques en prenant des niveaux. Puis si je veux monter des niveaux, il faut juste que j'achète du stock. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ok, c'est correct, là, j'en achète du stock, là, mais tu sais, j'aimerais ça avoir d'autres challenges, là. Fait que. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Tu sais, j'imagine que leur jeu, ils ne peuvent pas le mettre à jour. À un moment donné, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de nouveau, right? Ben, peut-être qu'ils vont ajouter des mods, je sais pas, à l'achat. Moi, j'avais joué à Monument Valley, un jeu de casse-tête sur mobile, qui est comme super hallucinant, là. C'est vraiment bon, là, aller acheter ça. Puis, c'est un jeu que t'achètes. Puis, après un an, ils ont sorti un DLC, si tu veux, qui était à ton choix d'acheter. Tu sais, fait que c'est le fun. Ils n'ont pas été obligés de ressortir un jeu 2, numéro 2. Mais c'est Ok, ça. ouais, je comprends. Mais c'est ça. Je pense que comme NB elle a raison quand elle dit que c'est un jeu qui a une durée de vie assez courte, là. Ouais, c'est Je pense comme que c'est. Pokémon. On fait un méchant boss, je joue plus, là. Je veux C'est dire, ça. tu Puis vois Mitomo, là, de Nintendo, ça a duré la. Oh. 2 semaines. Il n'y a plus rien à faire. C'est comme, ça me tente-tu de moi de parler à tous les jours? Hey, sais-tu quoi? Lui, il a fait ça. Je m'en fous. Ok, Lui, il va me le dire en pleine il face, aime le jus j'achète. de pomme. Moi, C'est j'aime comme, la pizza. I don't care! Comme, Ouais. je peux pas savoir, moi, qu'est-ce que Wanda aime me porter comme caleçon le matin. Non, je veux pas savoir. Je sais qu'elle aime ça, les caleçons roses avec des cœurs, Évidemment. Évidemment! Mais tu vois, c'est ça! Je Je peux confirmer, mais voici la photo, la preuve. Non, mais tu sais, je veux dire, plein d'affaires que ça me tente pas, puis ça me tente pas de décrire non plus. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Hey, écoute, des fois, j'ai la misère à me rappeler ce que j'ai fait hier. Ouais, non, c'est Hein. ça. Peux-tu ben pas me juger en ce moment, espèce de jeu? Puis c'est ça, puis sinon, tu sais, tu regardes le trailer, genre, de Pokémon Go, puis t'es comme, ok, il est où l'échange de Pokémon? Puis le but, c'est combattre, mais avec une personne, pas quelqu'un que soudainement pourrait essayer de prendre une arène. C'est comme vraiment rien. Puis mettons, ah, il y a des Pokémon à proximité. Ok, mais ils sont où? Ah, ben je sais pas, démerde-toi. Ouais, ça c'est Je tellement sais chiant. surtout avec le foin qui était supposé me pas, dire où est-ce que c'était, puis. Mais. ok. Oscar, c'est vrai, il n'y a pas de caleçon, c'est vrai, lui, dans tout le monde. Excuse-moi, c'est vrai. D'ailleurs, je peux vous confirmer, j'ai déjà été dormir chez One Up, puis je lui ai lancé un chat d'en face pour se réveiller. Ah, pauvre chat. D'ailleurs, c'est la meilleure technique au monde pour réveiller One Up. Parce qu'en fait, Anne ne voulait pas recevoir le chat. Fait que, elle ne voulait pas que je la réveille. Fait que j'imagine qu'elle s'est mise de l'autre bord. Direction One Puis, Up. ben, j'ai compris. Moi, j'ai descendu vraiment comme, ok, silencieusement. Puis je prends le chat au passage, puis il lance. Il me dit, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'était vraiment drôle. Puis non, il n'y a pas de caleçon, il est tout nu, puis je vous conseille pas de voir ça. My God. Et toi, Anne Bigami, tu nous parles de... Ben, moi, ce que j'ai. Ce que. Un objet que j'aime bien ces temps-ci et qui peut être considéré, tout dépend de ce qu'on fait avec Geek, j'ai fait du pixel art. Justement, Kira. Ton moment de gloire. Je vais vous montrer des exemples. J'ai fait Oh! celui-là. Akira. Ça, c'est un... C'est quoi son nom? C'est Rainbow Dash. Hein? Pourquoi je connais ça? Je sais pas. Je sais pas. J'ai fait. Je vous montre, tu sais, j'en ai plein en arrière sur mon mur. On les voit pas tout au complet, là. J'ai fait Ah! un Shy Guy. Un chagaille Un tout Shy rouge. Guy. Puis... Un fucking Totoro. Of Ouh! course. J'ai tellement trouvé plein d'affaires sur le Totoro, là. Je me dis à chaque fois, je vais t'aider. Ah, c'est tellement beau. J'aime tellement ça. C'est vraiment le Puis. fun à faire. Puis, au lieu de faire des casse-têtes, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'aide à relaxer. Puis en plus, on peut utiliser notre imagination. Soit on y va avec quelque chose que nous, on veut faire personnellement. Comme là, on le voit pas, mais j'ai fait Scarlett, sa face à Scarlett. Elle a vraiment de l'air méchante, mais c'est pas grave. Puis, ou on peut tout simplement aller chercher des modèles qui sont sur Internet. C'est comme un peu comme je dis, comme par exemple, Machi, toi, tu fais beaucoup de Minecraft. Tu sais qu'il y a l'option où est-ce que tu peux faire du pixel, où est-ce que vous faites des personnages et tout. Mais on peut comparer à ça, mais dans la vraie vie. Puis tout ce qu'on a besoin, c'est un fer à repasser, qu'on passe par-dessus nos petites billes. Ça tient ensemble. On laisse ça de côté entre deux livres pour que ça colle ensemble pendant quoi? Ok, 10 c'est comme minutes? ça que tu fais coller Ouais, ça. juste J'ai ça. pas demandé, je me suis dit comment qu'elle fait. Ce qui est cool aussi avec ça, c'est qu'on peut faire des boucles d'oreilles, des porte-clés, etc. Puis c'est quelque chose que je trouve vraiment bien, puis que les gens devrait faire un peu plus, ça devrait être plus connu. Je sais qu'il y a eu un petit boost justement récemment, mais encore plus que ça, parce que je vois que c'est pas tout le monde qui est là, qui connaît ça. Puis comme je dis, c'est pour tous les goûts, là. Si quelqu'un, je sais pas, aime peut-être Mais moins les jeux vidéo, mais qui aime les fleurs, ben il peut se faire des fleurs, ça tient-tu tant que ça? Moi, j'ai peur Ouais. que, mettons, que tu fais quelque chose, puis Check, ça cache. On va briser le cou de la Rainbow. Ma soirée, Jana. Je vais te J'ai montrer passé un ça. chef pour me le montrer, C'est là. quand même malléable, là, comme tu vois, là. Tu sais, c'est quand même. Je les tire, puis ils vont pas. Ouais, c'est ça, j'ai plus de goût. Faut justement. Ouais, il faut que justement j'envoie ce que j'ai fait par la poste à mes abonnés, et etc., etc. Pourquoi pour envoyer ça? Ouais, mais les gens qui ont ça, normalement, ils s'abonnent à ma chaîne pour environ, je crois que c'est 15 $ ou 20 $. Fait qu'en échange, ben, je les envoie. Je les en fais un, puis je l'envoie. Mais là, faut que je les envoie, là, j'ai comme pas arrêté depuis que j'ai de l'école, mais... Ouais, fait Depuis que c'est ça. l'école. Oh, mais c'est juste, hey, je vais faire mon cours T'as ma dans fille à vraiment l'arrière. pas Oui, longtemps. moi j'aime Je ça te... Je vais l'école. tellement le terminer bientôt, là, fait que je me dis, c'est un petit coup à faire. Et... Wow! Kira, il y a genre, Anne, si tu brises Rainbow Dash, je brise Francis. Tu le sais qu'il est fragile. C'est vrai, il y a tellement des petites cuisses de poulet. Oui, il est tout cute. Ben, il y a des Ah, c'était sarcastique aussi. paupières cuisses. Tant pis. Bon. Moi, tellement meilleur la face. On pourrait être JP Dragoon. Donc, c'est ça. Et toi, Katless? Moi, j'ai, moi, je décide de vous parler. Ben, j'en ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure. Moi, j'ai commencé à faire les Batman de Telltale Games. Et jusqu'à présent, il y a eu 2 épisodes qui sont sortis. C'était la première fois que je jouais à à un jeu de Telltale. Donc, si Mathieu, toi, tu as-tu joué? Non, moi j'ai vu Alex faire, comme j'ai dit, j'ai Ah. pas les monnaies de faire ça, mais genre, mais j'ai manqué le 2e épisode, fait que là, j'étais tout le temps, allez, je vais écouter ça pendant que je travaille, genre en arrière-plan, mais après j'ai tellement besoin de concentration pour qu'est-ce que je fais, parce que tout le monde arrive, ah, oh, mais je veux ça, ok, oui, pour quand? Demain. Oh, Ah, veux-tu mon point d'enfance avec ça? c'est Ouais, ça va être joli. Elles sont toutes demain, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tout le monde veut des livres. Fait que je dois Wow. leur faire des livres. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, là. Fait que là, la dernière chose qu'ils m'ont demandé, j'ai fini ça aujourd'hui, là. Il me fallait ça aujourd'hui, ça. C'est un petit contour pour les savons. Fait à la main. Fait que j'ai fait ça. C'était vraiment drôle. Puis là, j'ai fait toutes ces étiquettes pour des sacs de café. Eh ben. Puis c'est la première fois que mon père fait dans la main. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes affaires. Les photocopies, puis les factures. Puis là... Tu sais, je sais pas, depuis que je suis là, on dirait que le monde sont comme « Ah, mais t'es-tu capable de faire ça? » Ben oui. Puis là, on part à d'autres choses. C'est comme, mon père est comme « Là, moi, je comprends rien. Ouais, mais moi, je suis l'infographe. Toi, t'es prêtre. » Je suis comme « Non. » Puis c'est mon père, parce que c'est le fun de travailler avec mon père, parce que je peux l'envoyer chier, s'il y a quelque chose. Non, c'est pas vrai. Je peux pas l'envoyer chier, parce que je vais me manger un coup derrière, puis ça va être très, très mal. Puis, tu sais, c'est quand même le fun, parce que je peux ouvrir les possibilités sans avoir un nom direct. Donc, fait que... Parce que je me suis dit, ça me tente pas, moi, de faire des factures et tout ça. C'est pas créatif, je suis infographe. Mon but, c'est de faire des affaires créatives. Fait que là, j'ai fait ça, c'était vraiment cute. Puis, mais c'est ça. Fait que là, je commence aussi, là. Ah, mais là, j'ai une photo, je veux rien en arrière. L'autre, l'infographe, a jamais eu, a pas pu faire ça. Il y a personne qui demande des affaires de même. Fait que, là, je suis contente. Puis, pourquoi je parle de ça déjà? Parce que je te J'ai demandais si t'avais joué à Batman ouais, c'est Telltale. ça, c'est ça. Fait que j'ai pas le temps. Fait que à cause de ça, j'ai pas le temps. Fait que là, il faut vraiment que je me trouve le temps de regarder l'épisode 2 avec le 3. Ça, puis il sort Ben, quand? le 3. Ben, je sais pas, à date, ils sortent au mois. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai quand même. T'as J'ai le pas temps. le mois. Moi, j'ai quand même le temps là, de m'en prendre parce que là, je préparais un event aussi. Ouais. Fait que quand je voulais regarder le soir à cause de ça. Puis bon, le travail, c'est ça aussi. Faut que je me Mais trouve le temps. Je veux regarder la suite. C'est tellement une histoire intéressante, là. Pourtant, j'aime pas Batman. C'est vraiment ouais, étrange. Oh ben, my God, dis-moi pas ça! Non. mais je vais Tellement! pas Tellement! raconter aucun spoil. Puis là, dans le chat, il y a des gens qui demandent ça vient de quel univers de Batman? C'est très difficile à dire. Pas Marvel? Non. Non, c'est DC DC Batman. Comics, Ok, mais c'est qu'il y a plusieurs excuse. types de Batman, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi j'ai l'impression Ça, c'est pas que Telltale, ils ont repris, ils ont décidé de faire leur propre interprétation, si on veut. Puis il y a un personnage que je soupçonne qui est un personnage dans la série de Batman qui me rappelle les comic books. ouais, t'essaies de l'expliquer sans spoiler, genre. Ouais, non, c'est à cause qu'il y a un personnage. Le meilleur ami là, de Batman, en fait, qui me fait penser à un personnage, puis c'est, il est identique à la bande dessinée, mais pas les bandes dessinées qui sont sorties dans les années 2000, là. On parle des bandes dessinées un petit peu plus vieilles. Puis c'est identique, on voit que la personne, elle s'est vraiment inspirée de... Fait que c'est ça. Puis l'histoire, c'est vraiment, là... La ville est corrompue, comme toujours. Un gros homme sur ma face. Puis, non, il est tellement parti. sexy. Puis, la ville est corrompue, le maire est corrompu. Puis, les parents comme dans la vraie vie, dans le fond. Les parents de Batman se font... supposément, là, ça sort au grand jour que les parents de Batman faisaient partie de la mafia. Puis... fait que là, ben, la famille de Batman est salie, puis là, lui, il capote parce que, tu sais, il aime ses parents. Là, après ça, il y a toute une affaire politique, ça fait vraiment telltale. Il y a une histoire politique avec son meilleur ami qui essaye de se lancer à la mairie. Donc, puis là, jusqu'à présent, on a vu le pingouin, on a vu la femme chat. Puis, je vais pas parler plus que ça. Non, mais tes temps sont vraiment bons pour ça, pour aller chercher l'histoire, mais genre inspiré de quelque chose qui. Tu sais, ils vont pas quand même inventer de quoi, là, parce que, genre, ça, c'est pas leur univers. Mais mettons, là, je vais prendre Jurassic Park. OK? Ouais. Telltale, en fait, a des épisodes de Jurassic Park. Okay, c'est peut-être pas le meilleur Telltale au monde. Mais ils ont quand même pris tout ce qui se passait en arrière dans le livre. Pas dans le film, tu sais. Tout ce qui est. Pendant qu'ils faisaient quelque chose, on disait, hey, pendant ce temps-là, nous, dans le film, ils sont là, puis ils font ça, là. Tu OK. sais, mais ça, c'est. L'univers est respecté, c'est juste qu'on sait pas qu'il y avait un background, il est là, tu sais. Ben moi, à mon avis, je trouve Gotham très clair puis très belle là. On ne retrouve pas le Gotham noir, puis le puis ça se passe pas du tout là dans Arkham Asylum, puis pas pantoute. Puis là-dedans, Arkham Asylum, là, c'est juste un petit building là, c'est même pas là l'espèce d'île. Est-ce que Puis c'est un mauvais point pour toi? non, non, c'est différent. Moi, c'est pas parce que c'est différent que ça va me rebuter ou quelque chose, là. Fait que moi, ça me dérange pas. Mais en tout cas, mais si, je vais pas en parler plus. Le premier épisode, il m'a pris 2 heures. Puis le second épisode m'a pris 1 heure et demie. Puis j'étais vraiment déçue, là. J'étais comme... Puis il y avait aucune action. Il y Ah ouais. avait... Non, il y avait... Le premier, t'avais beaucoup de... T'alternais entre les combats, puis t'alternais combat, puis blabla, là. Hey, merci pour le follow, Strabizim. Et... Ouais. Puis c'est ça. Puis dans le premier, on alternait vraiment. Puis tandis que dans le deuxième, c'est vraiment juste la politique. Juste. Fait que ça m'a vraiment surpris. Puis un peu... tu sais, genre... Pas déçu, mais j'ai trouvé ça plate, là. Qu'est-ce qui est plate dans l'histoire, des fois, pour avancer, il faut ça, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même pas toujours intéressant Ben. à suivre, là, parce que c'est blablabla. Ouais, mais je suis Batman, je veux me battre. Mais tu sais, c'est ce que l'affaire, c'est que t'as un épisode, tu sais, t'attends ton épisode. Fait que là, t'es comme, OK, j'ai hâte à mon épisode, je veux mon épisode. Puis là, t'es comme, 1 heure et demie. T'sais. Ouais, Fait j'avoue. que, tu sais, c'est Mais ça. c'est vraiment l'épisode qui est comme ça ou c'est juste que t'as été très rapide? Non, ben, je veux dire, tu fais l'épisode un après l'autre. Ben, tu sais, tu fais les actions une après l'autre, puis ça prend 1 heure et demie, là. Ok, moi, c'est Fait que, décevant. non, c'est ça. Mais tu sais, 1 heure et demie, l'autre, c'est 2 heures. On s'entend-tu que c'est juste 30 minutes, là? Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, sinon, c'est ça. Mais tu sais, je le recommande. Moi, j'ai eu un énorme bug, là, sur PC, donc je joue sur PlayStation 4. Puis pour le prix, là, tu sais, c'est 30$, là, donc. Avec tous les épisodes. Ok, je suis comme là pour pas. Pas Ah faire. non, hey, c'est 30 C'est pièces par comme, mois là. c'est Non, 30 non, pièces là. pour 1 heure et demie. Non, c'est 30 $. C'est 30 $ pour le jeu. Est-ce que c'est possible d'acheter par épisode comme les anciens? Comme dans les C'est par exemple, c'est beaucoup plus facile dans Xbox. Xbox, tu vas le voir, genre l'acheter par épisode puis l'acheter en package. PlayStation, tu peux, mais il faut que tu cherches. Mais ça se fait. Ok, parfait. Fait que dans le fond, tu peux l'acheter comme quand ça te tente. Puis moi, de la façon que j'ai que ça joue, il faut que. Comment est-ce que ça marche? C'est que je vais dans mon jeu, puis je vais dans l'épisode, puis quand que je sélectionne l'épisode numéro 2, il me dit est-ce que tu veux l'acheter? Puis là, je suis comme, what the fuck, tu sais, il est déjà acheté, là. Fait qu'il t'amène dans le magasin, puis là, il fait comme, ah, c'est déjà acheté! Puis là, il download. Ouais, ça me faisait ça aussi pour Life is Strange. Puis j'étais non, non, non, j'ai acheté la passe. Ouais. C'était vraiment un jeu que celui-là, je l'ai fait. Ouais. Je me dépêchais pour le faire, puis et puis je sais que le suivant après, la même journée, genre, c'était vraiment. Moi, il faut que je le finisse avant. Ben, c'est ce Ouais, que j'ai remarqué avec les Life is Strange. C'était tellement populaire que tout le monde a suivi en même temps, là. c'est ça. Fait Puis que. j'aimais ça parce que. Je voyais tout à deux parties différentes parce que Alex utilisait, ben, Julie, dans le fond, parce que c'est Julie qui jouait, Alex était à côté, ne prenait jamais les mêmes choix que moi. Fait que, je, comme moi, j'avais mon côté, ma version à moi, puis après, j'envoyais une autre, puis j'étais comme, ah, c'est intéressant de voir. Ouais, Ah, ben. moi j'ai plus fouillé, puis elle a moins fouillé. Fait moi, je suis des gens qui ne savaient pas, puis j'étais comme, Ben, bon. moi, c'est ça que j'ai aimé dans Quantum Break, puis dans Batman aussi, parce que je me rends compte que je suis comme la seule au monde qui prend mes choix quasiment, là. C'est marqué, mettons, 95% de la population qui a joué à ce jeu-là a fait ce choix-là. Après ça, il y a toi. Ouais, c'est ça, c'est comme. Toi, là, t'es la. Non, t'es trop bizarre, là, tu mérites pas Ouais. d'être Moi, là. je me dis, ok, non, je suis unique. Puis là, t'as tout le monde dans le chat qui m'insulte, puis qui me dit, t'es vraiment trop sadique. Ah, mais c'est ça, je veux dire, c'est pas la vraie vie, c'est un jeu. Je veux dire, Ouais, c'était pas comme si c'était le Dan, vilain. tu sais, je vais prendre par exemple, là, puis, hey, tant mieux, Watching Games, si on donne le goût de jouer à Batman, vas-y fort. Sur console, pas sur PC. Et moi, c'est ça, tu sais, tantôt, quand je parlais de Quantum Break, il y a un moment dans le jeu où ce que la compagnie méchante, t'as un choix à faire. Soit que la compagnie méchante va commencer une campagne de salissage de ton nom, soit que, puis comme ça, toute la terre entière va te pourchasser, puis va essayer de te tuer, puis tu vas passer pour un raté, puis un... Dans le fond, comme l'émission Quantico. Et puis, l'autre choix que tu as à faire, c'est que ils tuent tous les otages, c'est des jeunes universitaires, puis tout le monde sait à ce moment-là qu'ils sont méchants. Puis tout le monde va être après eux autres. Fait que là, moi, je me dis, ben là, au crime, c'est sûr que c'est ce choix-là, faut que je fasse. Puis c'est un méchant, fait que c'est sûr qu'il veut tuer tout le monde. Ben là, tout le monde me jugeait. C'est juste drôle. C'est drôle. Moi, c'est Hey! l'un des jeux de même, là, c'est que moi, là, je dis, Oui. chaque petit détail fait un jeu. Tu sais, mettons, là, quand le nouveau Zelda Twilight Princess est sorti en HD. Pas nouveau, mais il est en HD. Tu sais, je suis allée voir tous les petits détails que je voyais pas. Puis, des choses qu'on voit pas, c'est que dans un cadre chez Link, il y a une chèvre. Fait que pour ceux qui OK. disent qu'il fait le jeu, Link, c'est Link. Je peux voir que Link est un amateur de chèvres. Et voilà. Vous voyez, ça change carrément le jeu. Parle, là, Anne. Fais-tu beaucoup contre la Ouais, c'est France? ça, Ça comme j'ai t'appelle dit, quoi? j'ai pas joué à ce jeu-là, donc je peux pas dire grand-chose dessus, Ouais. sinon, Ben toi, il c'est ça. t'intéresse? Ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup les Batman, sauf que j'aime beaucoup Batman en général. Tu veux-tu genre essayer le premier épisode ou juste pour voir? Ben, c'est parce qu'on dirait que quand j'ai fait le dernier Telltale Game qui était avant celui-là, celui avec Michonne, ça m'a comme un peu turn off. Je sais pas, on dirait que j'ai pas autant accroché que celui-là avec Clementine, celui-là avec The Walking Dead, celui-là de Game of Thrones ou même celui-là de Wolf Among Us. Sauf que celui-là, on dirait qu'il m'intéresse un peu parce que j'aime déjà le background de Batman. Sauf que j'ai peur qu'il me déçoive. Je sais pas. Mais je veux pas Ah, moi, il me regarder, mais je décevra veux pas. pas non plus. Ben, Ouais. je sais pas, tu disais que le deuxième avait l'air un peu moins. Je sais pas, tu disais. Comparé Ben, au 1, là, au ouais, premier? ben, c'est à cause que le 1, là, il y a une belle alternance entre l'action, les dialogues, le psychologique, puis les petits casse-têtes. Tandis que l'autre, il est pas mal plus blabla. Ok. J'ai J'imagine pas que ça détesté. dépend d'opinion. C'est plus des choix aussi. Ben, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai détesté. Puis après ça, je dis, puis aussi le fait qu'il était juste 1 heure et demie, Puis là, j'étais comme, hein, j'en voulais plus. T'sais, pas vraiment que le juge l'aurait trouvé semi-ordinaire, 1 heure et demie m'aurait suffi, là. T'sais, j'en aurais même OK. pas parlé. Mais, fait que c'est ça, là. Mais je le recommande. Nice. Je te laisse le recommande. Ouais. Recommandé par Catherine. Sur 10, tu donnes combien? Je donne là un bon 9. Ben moi je suis très là direct là. Fait que c'est sûr et certain que tu me verras Genre jamais le gros faire. zoom sur moi, j'ai tellement ça là. Mais il y a moi c'est genre je vais aimer ou j'aimerais pas là. Puis dans le fond, fait que c'est ça. Dans les petits négatifs là, honnêtement là, il y a la façon que Batman marche. Il marche comme penché par en arrière, c'est vraiment bizarre là, puis il est comme vraiment pogné là. Puis Y a un balai dans le ouais, puis il y a eu des gros bugs techniques qu'il y a des fois, comme là dans l'épisode 2, j'ai eu 2 bugs techniques là, mais tu sais, c'est pas la fin du monde non plus là, c'est pas dramatique, c'est pas grave. One Up, parle-moi pas de Walking Dead, j'ai juste hâte à l'autre saison, j'ai hâte de revoir Ah, Clementine. c'est pas fini ça. Oh my god! Oh! Je pensais que c'était fini. Walking Dead? De Telltale? Ouais. Non. Ils vont en Oh faire une autre, une troisième ouais. saison. Wow, ok. Ah non, c'est. C'est le plus intense, puis le plus. C'est le seul que j'ai pleuré, ok, à la fin de mon dernier choix. Ah, j'ai pleuré aux 2 saisons, moi. Ouais, c'est sûr que ça faisait pitié, mais on dirait que la deuxième saison, j'étais beaucoup plus attachée au personnage. Ça dépend qu'est-ce qui s'est passé, toi, à la fin. Est-ce que Kenny est mort? Non, S'il te c'est le plaît, bon spoil! Kenny. S'il te plaît, Mais spoil! là, On parle ça pas de fait des. spoil! C'est un méchant bout, tu sais, c'est sorti cette affaire-là, Ah, ok, excusez, je suis dessus, moi. là! C'est quand, là? J'ai joué ça, mais ça, on l'année Pas passée. l'année. C'est un bout, là. Wow! Ouais. Wow! M'en fous, je me ferais pointer du doigt. Il peut vivre aussi, hein! Mais. C'est tout dépendant de tes choix, y a presque tous les personnages peuvent en mourir, là. Je suis sûre qu'ils vont faire en sorte que, mettons, si Kenny, mettons, il est vivant, je m'excuse, de toute façon, je vais le dire, anyway, j'ai spoilé, je m'excuse, je suis méchante, je vais mourir pendu dans mon sommeil. Puis, c'est ça, je suis sûre qu'ils vont faire en sorte qu'on le reverra pas, même si, mettons, il serait vivant. Tu sais, Mais là, il y a c'est des ça gens dans le mon. chat là qui les ont pas terminés, fait que peut-être. T'as pas terminé, mais là, c'est pas ma faute, ça fait des années que c'est fini. Ouais, mais comme j'ai dit, t'inquiète pas parce que dis-toi que comme dans les jeux de Telltale Game avec des zombies, presque tous les personnages peuvent mourir, tout dépendant de tes choix, etc. Fait que. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, Je t'auras peux pas pas le choix. dire que Ils c'est vont pas ça. te marquer, tu Kenny, tu l'as pas, tu sais pas. C'est Ouais, ça le c'est. problème. Fait Ouais. que t'as Oh! pas. Oh, C'est ça. tu m'as refait penser à ça, là, plus j'ai mal au cœur, je suis comme. C'est ça, là. Fait que, mettons, y a rien qui va t'indiquer si c'est ça le choix. Fait que, ne t'en fais pas. Je m'excuse. Ça fait tellement des années que je me suis dit, tout le Bon! monde a un choix. Fait que, on va aller avec la prochaine Ouais, nouvelle. j'aimerais ça me parler de Twitch Prime! Oh mon Excusez. Dieu, t'as l'air tellement à fond là-dedans, mais je ne comprends pas. Ben, Je suis pas plus intéressée que ça. je vais expliquer en gros. Moi, là, je suis une très grande fan de Amazon, malgré le fait qu'ils prennent pas PayPal, qu'est-ce que je trouve qui est une honte, là, assurée. Hey, en passant, guys, Sephora prend maintenant PayPal. Y a C'est pas quoi ça? beaucoup de gars qui vont réagir. Pis, on est Un des filles! magasin de maquillage. On est des filles, pis s'il y a des gars un tantinet intelligent dans la salle, là, ils doivent connaître Sephora pour acheter des affaires là plus blondes. Anyway. Ça, c'est un bon point, hein? Bon, Voilà! fait puis là, à cette heure, là, si genre, il y a du monde, là, qui ont un PayPal parce qu'ils sont streamers sur Twitch puis c'est leur principale source de revenus mensuels, là, ben là, ils peuvent faire des achats, OK, sur Sephora. Je mentionne Mais. personne. Attends, c'est un site pour acheter des affaires de maquillage? Sephora, oui, c'est une boutique de maquillage, c'est écœurant. Puis là, quand t'achètes du stock, là, tu peux même te choisir des free samples. Puis genre, j'achète tellement chez Sephora que Reviens le sur shipping est Twitch, tu m'as gratuit, là. perdu. Ouais, Tu m'as donc perdu là, au bout de Twitch maquillage. Prime. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on va parler de Twitch Prime. Dans le fond, Twitch Prime, c'est relié avec Amazon Prime, qui est Amazon a acheté Twitch. Fait que ça c'est relié. Amazon Prime, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as le free shipping, tu as la livraison gratuite sur, on va dire, 95% de tes achats. Tu as également comme un 30% aussi d'achats, là, de rabais, là, sur tes achats. Puis, après ça, t'as une Parle. espèce de cloud. Oh non, un gros zoom sur moi. Puis, t'as une espèce de cloud pour te permettre de stocker des photos. Ça, je comprends pas trop, là, parce qu'on a comme tout Google Drive ou je sais pas quoi, là. Mais, puis après ça, par exemple, aux États-Unis, c'est fou, là. Aux États-Unis, là, tu peux recevoir tes livraisons en moins de 24 heures. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là. Mais, anyway. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est Amazon Prime. Si tu décides de t'abonner à Amazon Prime, automatiquement, ton compte Twitch se retrouve bonifié. Tu te retrouves avec tous les avantages turbo, qui incluent une personnalisation de ton nom de couleur, qui incluent aucune publicité, qui inclut. Encore un gros zoom. Oui, je peux pas parler par-dessus Catless. Non, mais le zoom, je suis pas capable, sérieux, ça me déstabilise. Genre, je peux pas capable d'écouter Catless quand t'en parles qu'à cause du zoom, là. Regarde autre chose. Je vais enfermer. Bon, on verra pas. Unless ta streamer préférée est un choix, t'as soit la belle Anne ou toi t'as la belle Catless. Il y a pas mal toutes les filles, d'après Ou moi, toi, qui t'as aiment. les deux. Il y a même pas mal toutes les streamers filles, d'après À moi, deux, Inès. on est T'entends beaucoup bien plus que tout le monde. fort. Oui, vas-y, Kat. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, on se retrouve avec tous les avantages de Twitch Turbo. Puis, en plus, la nouveauté, la grosse nouveauté, c'est que ça nous permet de s'abonner à une chaîne partenaire qui nous donne, là, à ce moment-là, ben, qui permet d'encourager la chaîne, puis qui donne des emotes, là, des espèces de petits émoticônes, là, à utiliser sur Twitch. Aussi, j'ai eu, personnellement, là, j'ai eu plusieurs skins là, pour mettre dans des jeux, principalement une tonne de MOBA. J'ai eu Smite, Paladin, Hearthstone. Puis il y a eu. C'est quoi qu'il y a eu d'autre? Ben, c'est pas mal ça, là. Puis on permet aussi d'essayer pendant un mois un jeu. Puis tout est vraiment customisé pour Twitch. Donc, le skin que tu as, le skin que tu as sur mettons, Paladin, c'est un skin vraiment propre à Twitch. Fait que, tu sais, c'est comme la publicité ou je sais pas quoi. Mais, c'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant. On a plein de petits gugus. Puis moi, j'adore ça. Puis j'étais. J'adore le concept de Twitch Prime en partant. Donc, Là, il y avait un jeu gratuit. Il va y avoir un jeu gratuit par mois, c'est ça? supposément, oui. Puis c'est tout, ça passe tout au travers de Twitch dans le fond. Fait que là, mettons que tu veux l'acheter le jeu, tu passes par le magasin Twitch. Puis les partenaires qui font la publicité, si tu l'achètes par leur chaîne, vont avoir un pourcentage et tout. Mais tu sais, c'est vraiment un Ah, mais jeu. c'est juste pour les partenaires, c'est un peu plat. Je veux dire, à part les politiques, j'ai pas personne vraiment à soutenir qui sont partenaires. T'sais, je veux Ah, ben dire, moi, j'en ce ai serait le fun que je quelques-uns. puisse, mettons, soutenir, genre aider tout le monde. Genre, mettons, je l'achète sur le stream à OneUp, j'aimerais ça que le 30%, je sais Ben, plus combien de pourcents, soit à OneUp ou. c'est quelque chose qui est plate, justement, parce que tout ce qui est sorti présentement pour Twitch, pour aider Twitch, c'est jamais pour les streamers réguliers. C'est toujours, toujours, toujours pour les partenaires. Je comprends que ça rapporte un montant. En rapportant un montant, il faut que ça déclare. Puis en étant streamer, par exemple, en étant un streamer qui est partenaire, eux doivent automatiquement déclarer leur don. Donc, c'est plus une sécurité pour eux. Mais je trouve que Ouais. certains petites choses, certains petits trucs qu'on pourrait avoir de plus, comme par exemple des points, tu sais, les badges pour savoir combien de temps que vous nous followez. Pas juste le monde qui subscribe, tu sais, les vraies personnes, les 10 plus actifs de ton chat devraient pouvoir en avoir un. Puis des trucs comme ça que je trouve Ouais, que j'avoue. ça manque à Twitch pour pouvoir donner envie à la communauté d'avancer sur les chaînes qui sont non partenaires. Parce que présentement, tout ce qui se passe en anglais, en français, en espagnol, c'est souvent sur des chaînes qui sont partenaires. Les autres autour, il n'y a pas grand-chose qui se passe, je veux dire, en Ben, termes d'aide à Twitch. je peux, tu sais, je défends pas, mais je peux comprendre le fait que en poussant pour le partenaire, Twitch, ça propose une façon de motiver les diffuseurs à créer un contenu intéressant qui se démarque. Si ça Ouais, serait parce qu'à un moment donné. facile, ben c'est parce que si ça serait si facile que ça d'être partenaire, là, ben le monde, il s'en foutrait, là, puis il y aurait tous ces avantages-là. Fait que, tu sais, je peux comprendre que Twitch va miser sur ça pour... Mais, tu sais, c'est Mais vrai c'est tout le que... temps comme ça. Ce Ouais. serait le fun que ça. Moi, là, j'aimerais ça. Tu sais, je veux dire, comme le monde dit, il y a Xbox, il y a Steam, il y a YouTube Gaming. Oui, j'aime beaucoup Twitch parce que j'ai mon appartenance, j'ai mes abonnés, j'ai ci, mais j'ai ça. Mais à part de ça, qu'est-ce que Twitch m'apporte? Rien. Tu sais, Ben, moi, je j'aimerais trouve. ça qu'ils Ouais. puissent. Ben oui, mais ce qui m'apporte, c'est ce que j'aime, c'est GameWiz. GameWiz, c'est un autre site à part. J'aime beaucoup avoir Twitch Alert, c'est un autre site à part. J'aime beaucoup, tu sais, c'est toutes des choses. Et tout ce que Twitch fait, c'est qu'il me permet de diffuser, puis même pas à un aussi beau ratio que je pourrais le faire sur YouTube Gaming. Honnêtement, c'est la communauté qui fait en sorte que moi, je reste sur Twitch. Parce qu'à part ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Je veux dire, en termes de. Si tu regardes pas genre le nombre de personnes, regarde pas la communauté, regarde rien. Regarde ce que les sites t'apportent de plus quand tu commences. Ça fait souvent un petit peu plus pitié Twitch, selon moi, en termes d'aide qu'ils nous donnent au départ. Je parle personnellement, là. Je veux Ben, dire, là, je check pas. on s'entend, là, les concurrents, là, Hitbox, là, moi, j'ai, pour les fois que j'étais sur Hitbox, je n'étais même pas capable de regarder un stream sans que ça bug. C'est ça, mais Après. Xbox, par exemple, tu peux commencer tout de suite à être partenaire. Tandis qu'avec Twitch, tu as une fucking bonne qualité dès le début. Twitch, c'est plus Ben, difficile à mais non, avoir. la qualité sur Hitbox, c'est dégueulasse. Non, non, je te parle de YouTube. YouTube Gaming. Ah, ouais, mais YouTube Tout de Gaming. suite au début. Oui, mais c'est parce que YouTube Gaming, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, puis, tu Justement, sais, Twitch, c'est. il élabore des nouveaux projets pour ceux qui Puis, sont partenaires. Il ouais, faudrait mais. pousser quelque chose pour les non-partenaires, selon moi. Oui, ça, je suis d'accord à 100%, mais moi, qu'est-ce qu'il va me faire? Moi, j'irai jamais sur YouTube parce que sur YouTube Gaming, parce que YouTube va tout le temps mettre l'accent sur son YouTube ordinaire. Moi, à mon avis. Twitch, là, tu sais, Twitch, il y a son TwitchCon, puis tout ça. Un coup que t'es partenaire, là, Twitch, là, il t'enveloppe, là. Tu sais, Ben, fait YouTube, mais que. toi, Corps. t'es des affaires comme ça, mais. Ouais. Toi, Kat, tu t'es abonné, on voit être une petite couronne, là. T'es Ouais. Twitch Prime. Pourquoi tu l'as pris? Ben, c'est ça. Là, de un, moi, en étant Twitch Prime, j'ai le choix de mettre une petite icône de petite couronne ou de mettre l'icône turbo. Parce que là, dans pas longtemps, ils vont supprimer le turbo. Quand Prime va être disponible partout dans le monde, ils vont le. Pense. Ça, oui, ça a été dit, je l'ai lu dans le communiqué officiel de Twitch, là. C'est pas une joke. Parce que moi, je prendrais juste Turbo, puis je pourrais même pas jamais être Turbo parce que j'ai pas de carte de crédit puis que j'étais avec PayPal. Ça coûterait pas mal de Ben montants, oui, selon moi, de revenus, c'est. Non, ça a été annoncé. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Twitch Prime est disponible au Canada, aux États-Unis, en tout cas dans quelques pays. Parce que Amazon Prime n'est pas disponible partout encore. Donc, OK. vu que à cause de ça, parce que si c'est pas tout le monde qui peut être Amazon Prime, c'est pas tout le monde qui peut être Twitch Prime, ça va de soi. Donc, à cause de ça, quand ça va être Worldwide, ils vont enlever le turbo. Parce que pour le moment, quand tu es Twitch Prime, moi, j'ai tous les avantages du turbo, puis je peux choisir le badge que je décide de mettre. En gros, ça veut dire que d'ici quelques jours, j'aurai plus le droit de changer ma couleur. Ben, parce que toi, tu es turbo? Ben, j'ai dû être turbo pour changer ma couleur. Mais OK. si je voudrais rechanger de couleur, je pourrais pas tant que j'aurai pas Twitch, comme on Ouais, parle là, à 80 $. mais moi, je pense qu'Amazon Prime, avant que ça devienne Worldwide, moi, tu sais, je parle pas de quelques jours, là. Moi, je pense que ça va être un an ou quelque chose, là. Ouais, ben, ça serait Est-ce vraiment qu'avec plat. Twitch Prime, on peut changer la couleur ou Oui, c'est c'est juste ça. turbo turbo? En étant, moi, je suis Twitch Prime, c'est pour ça qu'ils vont supprimer le turbo un moment donné. J'ai tous les avantages d'être turbo. En plus d'avoir les avantages de Prime. Mais dans le fond, moi, le fait que je me dise que je subscribe pas à aucune chaîne, le fait que je change ma couleur une fois par 6 mois, puis le fait que je peux pas acheter de jeu sur Amazon parce que j'ai pas de carte de crédit, ça me sert à rien. Ouais, ben c'est ça. Comme moi, par exemple, là, moi, je suis sub à la chaîne de base depuis que je vais sur sa chaîne. Donc, moi, à chaque mois, je paye 8-9 $ là, pour être canadien, pour être abonné à sa chaîne. Donc, si moi, je calcule au bout d'un an, ben ça me fait exactement le même montant que être Prime. C'est 80 $. Ben, c'est 80 quelques, là, avec les taxes. Pour le. Fait que, dans le fond, moi, j'ai arrêté. Moi, je me suis désabonnée à la chaîne basse. Puis moi, j'étais turbo. J'adorais être turbo, mais j'étais turbo parce que des amis me donnaient des cartes, là, cadeaux. Turbo, fait que j'avais pu l'essayer pour ça, là. J'ai jamais payé pour, mais j'adorais être turbo. Donc, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'étais déjà subs à une chaîne. Puis j'utilise exactement ce même argent-là pour me prendre mon Amazon Prime qui me permet de sauver sur tout mon shipping quand j'achète chez Amazon, chose que je fais régulièrement ou personnellement. Puis en plus, sur Twitch, je me ramasse avec tous les avantages du turbo. Fait que dans ma tête, pour moi, là, c'est comme si juste le fait d'être sub à une chaîne me permet d'être turbo puis me permet d'avoir du free shipping sur Amazon. Fait que moi, je veux dire, je capote, là. Tu sais, je suis contente, là. Mais l'affaire, c'est que aussi, qu'est-ce qui était bon, c'est que bon, ça a l'air qu'il y a des jeux gratuits. Ça, là, ce jeu-là, où est-ce qu'on. C'est sur quelle plateforme ça joue? Ça joue juste dans Twitch? Oui. C'est. Là, Twitch est Ok. rendu avec un magasin. Puis là, tu vas downloader un espèce de Battle.net, là, mais c'est genre de Twitch, là. Tu vas downloader une Ok, petite c'est un chose. Battle.net de Twitch, genre comme pour Ouais. jouer à Heroes, Overwatch, tout ça, ou mettons, t'as Steam, c'est un Battle.net pour Twitch. Ouais, c'est ça. Okay. Puis, Habituellement, c'est le premier jeu qui est gratuit. T'sais, là, il faut que ça soit un jeu qui va attirer ben, l'œil, il qui est bon, donne envie. tu peux y jouer pendant un mois. Ça te permet de jouer au jeu pendant un mois. Parce Ok, que c'est le juste mois un mois. d'après, il va avoir un C'est autre jeu. un autre. Ouais. Tu sais, Puis là, ça te ben, donne pas je un l'ai jeu. vu le jeu, tu sais, je veux dire, Alex, il a joué. Puis d'habitude, le premier jeu, c'est supposé te donner envie. J'ai pas envie de jouer à Ouais, moi ce non jeu-là plus, qui est il m'a là. pas. J'ai l'impression que j'ai pris de la drogue, puis qu'est-ce qui se passe quand on prend de la drogue? C'est ça qu'on voit. Ouais. Mais comme là, OneUp, il vient de mentionner que le jeu présentement propulsé par Twitch, il est également disponible dans Steam. Fait qu'on peut l'acheter dans plusieurs endroits. T'es pas obligé de l'acheter sur Twitch, mettons que tu l'aurais vu puis que t'aurais eu le goût, là. Ok. Mais est-ce Donc. qu'il va y avoir des jeux juste pour Twitch Prime? Ça, je veux dire, où il va être tout le temps ailleurs? Ça m'étonnerait qu'on voit un Assassin's Creed, là, genre 30 jours gratuits sur Twitch Prime. Ok, ouais, ça va être plus des jeux que. Ouais, ça va être T'sais. vraiment des jeux au style qu'on a vu tantôt, genre, quel Ouais, style? ben des petits jeux indépendants à découvrir, moi je pense. Puis, tu sais, c'est comme j'expliquais tantôt, là, tu sais, on va dire des vraies choses. Puis, les skins, là, qu'ils nous donnent pour les jeux, c'est des skins qui font la promotion de Twitch. Ah, oh, C'est de la pub, c'est là. Twitch, tout, Ben, ça le skin c'est. est super beau. Comme là, j'ai un skin pour, voyons, le jeu de cartes, là, de Battle.net, là. Je me souviens plus. Hearthstone? Oui! C'est une sorcière, genre. Elle est super belle, là. Elle est vraiment cool, là, pis toute, là. Tu sais, c'est cool, là. C'est vraiment beau. Mais comme dans Paladin, c'est un espèce de monstre. Puis il y a comme le signe Twitch dedans, là. Tu sais, fait que c'est comme là, OneUp, il dit dans le chat que ça va sûrement être des jeux qui vont être de gang puis interactifs pour que solliciter la communauté à interagir. C'est sûr que le jeu m'intéresse pas. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux jouer avec ta communauté. Ça, c'est vraiment fun. Ben, tu sais, ceux qui sont tous Prime, of course. Mais c'est ça, fait Fait que c'est que. sûr, c'est limité le fait, ben là, il faut que tu ailles Prime, ben là, Mais c'est ça, tu sais, mais. c'est pas, tu sais, je suis en train de dire, là, genre, garochez-vous, mettez-vous dans les dettes pour prendre ça. Je fais juste dire, Moi, je fais. je veux dire, je l'ai dit, je le prendrai pas. Je prendrai pas Prime en ce moment. Pas parce que, même si je serais riche, parce que pour l'instant, je vois pas d'avantage pour moi. Ouais. Amazon, je serais pas non plus sur Amazon. Parce qu'au début, je pensais que c'est comme, bon, Amazon vient d'acheter Twitch. On me dit ça, moi, je vais. Ben, Ok, ça fait un petit mais bout. ils étaient pas déjà ensemble. En tout cas, moi, c'est bien fucké dans ma tête. Puis, c'est ça. Bon. L'avez-vous entendu celle-là? Ben, j'ai entendu un petit peu, moi j'ai entendu maman. Ouais, c'est parce qu'elle m'a fait un appareil le soir, puis là, elle n'est pas capable de le mettre. Fait que je vais aller mettre son appareil. Je coupe ça même. Hein. Oh, je suis méchante. Fait que c'est ça. Rien pour dire que, bon, moi, je vois pas l'avantage. Un peu comme Anne. Ben, tu sais. Copier-coller ce que Anne a dit. Ouais, ben. Reviens. Copier-coller. Mais, tu Copier-coller. sais, comme je dis, là, moi, là, tu sais, je payais 8 $ ou 9 $ par mois pour me subscribe à la chaîne de basse. Ben, là, j'ai payé 80 one shot. Puis ça revient au même, parce que le subs que je payais à la base, ben ça va être mon subs inclus dans mon Twitch Prime. Fait que, tu sais, ça dépend, tu sais, si... Puis moi, le turbo, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc, ça dépend de nos besoins. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, j'adore ça, là. C'est quelque chose qui m'avantage, puis qui me donne un coup de pouce. Puis à la maison, pour des raisons différentes, on doit acheter beaucoup, beaucoup en ligne. Donc, puis Amazon, tu peux acheter n'importe quoi, là. Tu peux acheter un fouille grille-pain comme tu peux acheter des bobettes, là. Donc, Un peu comme un Best Buy, là. ouais, donc, tu sais, c'est ça. Fait que moi, à ce moment-là, j'adore ça, là. Fait que je suis... en tout cas, moi, ça m'avantage beaucoup. Je comprends que c'est pas le cas pour plusieurs, mais moi, c'est quelque chose qui me rend service, honnêtement, dans ma consommation personnelle. Donc, je suis super contente. Mais là, je vais Ben, voir, selon tes oui, besoins, ouais, c'est non, ça on peut qui... l'acheter, c'est vrai. Mais je paierais-tu 20 $ pour ça? Non. Pour le jeu présentement, là, non. J'ai juste l'impression que je Ouais. vais vomir des arcs-en-ciel, des petites bouboules, puis je vais m'imaginer qu'il y a de la lave à terre, puis ça me tente pas. Ça me tente pas. Ouais, non, le jeu, il est bizarre, là. Il est bizarre, c'est un peu drôle à voir, mais j'imagine peut-être que je suis drunk à un moment donné, je vais le trouver très très drôle. Mais tu sais, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque mois, t'as des nouvelles babelles. Puis, tu sais, moi, là, Smite, là, je joue pas à ça. Fait que, tu sais, j'étais dans un chat, puis j'en parlais un peu, puis là, il y avait quelqu'un qui disait qui était très fan de Smite, qui adorait ça. Fait que j'ai offert le code, là, la personne était super contente, puis tout ça. Fait que moi, tu sais, juste ça fait bien mon affaire, puis je suis super contente, là. Ok, c'est ça. Puis, mais j'hésitais sur le fait que, oui, on a un abonnement, genre un mois gratuit de quelqu'un. Ça, c'est Ouais. bon parce que je suis juste une chaîne. Mais c'est sûr, est-ce que je suis prête à payer 80 $ pour avoir un mois gratuit? Ben, toi, est-ce que présentement t'es sub à Epic Joystick? Oui. Bon, fait qu'après un an, ça va te coûter le même prix que si t'avais pris Prime. Puis en plus, t'es turbo. Ouais, mais c'est ça. Fait que je suis comme Fait à... tu sais, c'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon sub à la chaîne, je me suis abonné à Prime, puis tu sais, je vais faire le switch. Tout simplement. Fait que... Mais c'est ça, là, ça marche par carte de crédit, par exemple. C'est Ouais. ça, ouais, comme moi, puis il Fait dit... que... T'sais, moi, je l'ai dit aussi, là. T'sais, moi, avant, Ça je devient payais d'avoir 8... PayPal. C'est ça, t'sais, 8-9 $ par mois, mais là, versus que là, t'as 80$ qui part, là, de même. 80 d'un coup, c'est vrai. C'est ça, là. C'est comme un montant, tu sais pas, tu peux... Admettons que t'as quelqu'un que tu subs un mois, tu sais que t'as beaucoup moins d'argent ou que tu prévois moins d'argent, par exemple, dans le temps des fêtes. Ben, c'est quelque Ouais. chose que tu peux arrêter, tandis que le 80, il est plus là, il est plus là. C'est Ouais, c'est ça, ça. là. Fait Viens que... gosser ta mère, les gars. Ah, elle me gosse pas, elle Ouais. va faire dodo, là. Puis, Ouais. c'est Elle va ça, faire dodo. fait que... Mais tu sais, en tout cas, ça fait juste résumer, dans le fond, le fait que c'est chacun selon sa consommation, là. Fait que... Vais montrer tes belles... ton appareil de torture. Ma fille a un appareil de torture dans la bouche, ça sent. Elle Oh, m'a... des broches! Oh, ben c'est pas des Oh! broches, c'est un appareil de nuit. Ah, j'avais déjà eu ça. Fait que c'est pour placer dans le fond ses dents pour pas qu'elle aille à la bouche croche, là. Elle a fait nuit ses bagues, fait que l'a rendue avec un appareil de torture dans la bouche. Fait que... Ouais. Ouais. Va dans ton lit. D'accord, tu me rejoins? Bon, Je te le rejoins dans ton lit, prochain oui. point. On va tout de suite faire le prochain point, déjà rendu 9 h 30. Ben oui, Ouais, ce vas-y. serait. Ouais, moi je te le dis, je vais tomber endormie sur la chaise. J'ai l'habitude de dormir à 9 h, là, je suis levée depuis 6 h, je suis comme. Go, Pas que go, c'est plate, là, c'est juste que j'ai zéro énergie, là. je te comprends. Je vais aller coucher ma fille, moi. C'est tough être une maman, j'imagine, je capoterais. Écoute, moi, c'est juste les études, là. Ah! Écoute, en plus, là, il faut le nourrir, ces affaires-là. Ah! Écoute, moi, je me fais nourrir, puis je capote. Puis sinon, ben, tu sais, c'était juste mentionné vu du fait que il y a eu un risque. Ben, dans le fond, il y a comme une menace grandissante auprès de Ubisoft qui pourrait se faire, qui pourrait passer aux mains de Vivendi, là, qui est une grosse compagnie multimédia en France, puisque Ubisoft, c'est français. Puis Ubisoft, c'est une compagnie d'actionnaires. Donc, si Vivendi réussit à avoir le plus d'actionnaires au conseil d'administration, mais ils vont avoir un plus gros droit de regard sur qu'est-ce qui se passe. Donc, puis là, finalement, ça l'a pas passé. Ubisoft demeure, Heureusement, ouais, heureusement. Ubisoft demeure indépendant et demeure avec la même équipe. Puis partout, vous avez pu voir là, sur Twitter et tout que les membres d'Ubisoft étaient fiers, puis qu'il y avait des advertisements partout. Suis revenue. Ouais, revenu. C'est Donc, pour c'est ça, je veux savoir remercier. qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que Ubisoft reste comme ils sont, dans le fond, qu'ils restent Oui. comme indépendants malgré qu'ils sont un gros studio, mais on Oh comprend oui. qu'est-ce qu'on veut dire par indépendant là-dedans, là? Oui? Moi, je Perso, suis. Vas-y, Anne. Moi, c'est sûr et certain que je veux qu'Ubisoft reste comme ça, surtout comme c'était écrit, 23% des parts pour une compagnie, c'est beaucoup. Ils ont la malléabilité du choix pour faire les modifications qu'ils veulent parce qu'ils sont quand même un bon. Ils sont presque un quart là, de la compagnie, là. Ça fait peur. Moi, en tant que compagnie, j'aurais peur. Ouais, parce que c'est une affaire d'actionnaire, puis tout ça, c'est En de plus. l'administration, mais tu sais, on pourrait se ramasser que les Assassin's Creed seraient plus partout comme ils étaient, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben, pas ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même un gros droit, là. Ben, être moi-même dans une entreprise, peut-être pas aussi grande, mais tu sais, je sais un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est quelque chose qui est très apparent que quand tu donnes 23%, ça a l'air petit, mais c'est quand même très, très énorme. Et moi, j'aimerais ça que ça reste comme tel. C'est sûr que c'est pas notre décision, mais. Ouais. Parce qu'on est quand même on aime quand même les franchises Ubisoft, là. C'est quelque chose qui est important Ben pour nous. oui, ben oui, ben oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on n'aimerait pas ça. On sait jamais quelles conséquences ça pourrait faire avec ça. Justement, est-ce que ça allait y avoir des changements dans le Assassin's Creed? Est-ce que ça. Tu sais, il y a 23% qui est plus à eux autres parce qu'ils l'ont vendu, dans le fond. Puis eux autres, ils ont 23% de décisions qui leur reviennent. Puis ils n'ont plus le choix de prendre en compte. C'est comme ça que ça marche. Même si ils ont le plus gros pourcentage, il y a 23 qui ne peuvent plus rien faire avec. Non, c'est ça, c'est quand même spécial. Puis sinon, notre dernière nouvelle de ce soir. Tu sais que Zachatlas, ça t'enfile ça, les nouvelles, là. Ouais, c'est comme nouvelle, ok. Nouvelle, Là, on peut s'arrêter, on peut nouvelle! finir. Il y On a a plus eu. les appels, c'est bon. Nintendo nous apprend que Luigi, qui est tellement, tellement clumsy, il a accidentellement inversé les couleurs de la console Nintendo 2DS. La 2DS, c'est comme une 3DS, mais vu que les enfants sont trop photosensibles pour le 3D, Nintendo a fait une petite console pour eux, dans le fond, une version là, de la 3DS pour eux, avec un prix beaucoup plus abordable. Fait que, Plus solide aussi. ouais, ben plus solide. Fait que si ton enfant, t'as pas peur que ton enfant pète son 3DS, fait que c'est parfait. Ouais. Puis, oui? Non? Je vais donner un exemple. Quand je travaillais au EB Games, là, souvent, on refusait. Ben, on refusait pas. On donnait le conseil aux parents de ne pas en acheter à ceux qui sont moins, je sais plus, je pensais 6 ans et moins. Parce que, comme tu dis, c'est très dangereux pour eux, pour leur développement et tout. Il y avait l'option qu'on puisse enlever le 3D, mais un enfant, ça peut toujours le remettre, là, tu sais. C'était Mais vraiment. même à ça, oh, excuse, vas-y. Non, vas-y. Ah, même à ça, moi je trouve que l'image du 2DS est différente du 3DS sans le 3D. Elle est comme Ah oui? plus, oui, elle est comme plus papier, elle est plus, tu sais, ça a été fait spécialement pour les enfants. Fait que moi je dis go for it, c'est acheter ça. Surtout que le prix il est bien plus intéressant. Mais hein. Fait que dans le fond, là, la console se retrouve, on a un choix, soit rouge ou bleu, qui est tout sur le devant, puis il y a juste les petits côtés qui sont noirs, qu'est-ce qui est super le fun, parce que dans le C'est fond, cute. ben oui, tu sais, c'est pour les enfants, tu veux des couleurs. Est-ce qu'on peut trouver des photos, tu crois, ou sont pas sorties? On pourrait peut-être m'envoyer dans le chat s'il y en a, là. Étoile de port rose, je suis vraiment outrée. Ouais, ça aussi, moi, je suis déçue. Je peux mettre une vidéo que les gens peuvent aller voir s'ils sont intéressés. C'est une petite mise en scène, là, des bureaux Très Nintendo. rigolote. Oui, c'est ça, c'est vraiment mignon. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'histoire. Ça serait que Luigi aurait fait une ma mauvaise manipulation, puis aurait inversé les couleurs sans faire par exprès. Puis là, tout le monde capote. Il y avait des trop gros doigts. Ben, On peut c'est pas ça, faire ça. C'est puis le prix demeure inchangé quand même. Puis fait que dans le fond la console elle C'est une coûte. édition spéciale. Ben non, je pense que c'est comme juste tu sais la nouvelle PlayStation 4 là qui refont là. Ah, oh, Kiki, ouais. Ils Tu sais je veulent faire pense. comme quelque chose de nouveau, eux autres aussi, là. Ben c'est ça, elle est encore à 109,99 puis elle vient Juste ça. puis il y a des ensembles qui viennent avec déjà Mario Kart de déjà installé. Fait que Ouais, c'est cute. c'est Moi, je rappelle juste que étant une maman, le meilleur développement pour un enfant, c'est les jeux dehors. ouais mais il y a aussi là Je suis méchante, hein? mais tu sais Moi, c'est que Nintendo m'aimerait pas en tu ce moment. Moi, je suis genre, sais oh, elle était méchante, là. mais c'est bien J'arrêterai pas mieux, de jouer dehors. c'est bien mieux que les consoles genre Leapfrog là ou je sais pas quoi là pour bébé. Puis, moi, je trouve que Nintendo, ils l'ont vraiment pour le plus jeune. Ouais. Xbox, puis PlayStation, c'est plus mature. Puis Nintendo, on dirait qu'ils le savent. Oui, ils ont un public aussi de tous âges, mais ils ont le truc pour les jeunes, je trouve. Ouais. Oh, absolument. Puis la 2DS, ça va également avoir des petites applications intégrées dedans, comme on retrouve dans la 3DS. Il y a le eShop aussi, puis il y a deux écrans. Puis je pense que les jeux de la 3DS, puis parce que tous les jeux de la DS, puis de la DSi sont compatibles. Puis dans le fond, fait que c'est pas mal ça. J'avais une autre petite nouvelle vite Ouais. faite! Vas-y! La musique Ah oui, ben c'est ça. Ça, dans le fond, c'est parce que là, on finissait le podcast pour s'en aller dire qu'est-ce qu'on faisait de geek prochainement. Ah! Oui, excuse! Donc. Ben, vas-y, Anne! Ben, justement, Katliss, justement, m'a fait part et m'a donné des billets, dans le fond, pour avoir accès au musée Grévin. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font maintenant une nouvelle. C'est comme un nouvel événement qui va y avoir un vernissage avec les personnages de Mario Bros. Le tout animé par Denis Talbot. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vais prendre des photos, Katless aussi avant d'en recevoir, à pouvoir faire pouvoir écrire des trucs là-dessus. Moi, je vais pouvoir de toute façon en parler pendant le podcast. Ça va être vraiment intéressant. Surtout que c'est quelque chose qui est cool, qui est familial, qui est pour tout le monde. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. Ouais, ça se passe où? Ah, ben oui, Et... c'est au musée Oh, Grévin. musée Grévin! Non, ça, ben c'est dans le. C'est au dernier étage du Centre Eaton. Au Fait musée que. Ouais! Puis c'est ça, Grévin! dans le fond, Nintendo a eu la gentillesse de nous inviter. Donc, Anne qui demeure juste à côté. Dans le fond, Anne demeure dans le musée Grévin. Non, c'est pas Mais moi, je vrai. t'en fous. Là, elle est à un petit endroit, roulant en tapis. Oui, j'ai hâte, Je me j'ai suis trop hâte. mis de maquillage en chantant en cire, là. Mais c'est ça, dans le fond, Anne va y aller le jeudi soir, ben demain soir en fait. Puis c'est le vendredi que l'exposition commence pour tout le monde. Puis comme elle a dit aussi, c'est Denis Talbot qui est le porte-parole. Fait que tu sais, c'est super sympathique, c'est vraiment le fun, c'est vraiment pour la famille. Puis c'est dans un centre d'achat, au dernier étage. Fait que tu sais, vous avez. C'est facile là, tu vas magasiner Je puis vais tout. pouvoir aller chercher mon thé gratuit au David City! Puis ça va pouvoir aller t'acheter des affaires au Bath & Body Works. Ah, c'est plus. Mon budget me fait mal un peu, mais j'ai le droit à un thé gratuit présentement chez David City. Fait que Ah je ben pense oui. que ça va être mon achat de la journée. Ben c'est ça. Puis le Sephora est Yeah! à côté, puis tout. Fait que là, vous n'avez pas Ah, d'excuses. mon tapis. Donc voilà. C'est ça que Anne va faire de geek. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire de geek? Je vais faire des événements Minecraft ce mois-ci. D'ailleurs, en fin de semaine, samedi, il y en a un qu'on va Ouh! sûrement streamer avec Alex et Matt. Espérons que Matt soit là. On ne sait jamais. En tout cas, Alex, je pense que oui. Matt, on ne sait toujours pas. Ça va être l'événement du dragon. Yeah! Et sinon, c'est mon mois favori aussi, hein, c'est le mois de l'Halloween, des trucs épeurants. Et c'est sûr qu'encore sur Minecraft, on prévoit quelque chose pour l'Halloween. C'est tellement ma fête favori, fait que vous allez avoir des petites nouvelles. Merci. Et si on veut te suivre, voici la chaîne, ta chaîne dans le super, dans le chat. Et Et nous suivons aussi sur le serveur PJC. ben oui. En ce moment, là, le Le spawn a été massacré par le dragon. Fait que là, samedi, il faut qu'on règle ça avec lui. Ouais, venez faire un tour sur le serveur. Moi, j'y vais des fois, je suis pas super bonne, mais je m'essaye. Moi, je n'ai pas Puis. retourné depuis qu'il avait changé. J'avais fait une grosse maison, puis là, c'était rendu à zéro. Puis là, j'étais comme. J'ai eu mal! À vrai dire, en plus, c'est tout Kira qui l'a fait, mais c'est un détail. C'est ça! J'ai eu mal! Il avait fait un passage secret, là, puis j'avais été à l'autre bout de la ville pour aller me chercher un chat! T'en souviens, Machi? Le chat qui restait amoureux de toi, puis que moi, il voulait plus rien savoir! Ah, c'était tellement triste, là! J'étais comme. Non, oh. Je peux pas te... Ah, c'était vraiment. On peut pas dire qu'on a pas eu de fun. Non, mais il va toujours avoir autant de fun. Surtout que là, on prépare à amener plusieurs minigames. Il y a déjà des minigames, mais là, on en prévoit encore plus. Plein d'affaires de même, là, des petits minigames par rapport à Mario. Plein d'affaires, là. Tu devrais venir faire un tour. Tu serais bien, bien contente. Surtout qu'il y a des Pokémon dedans. Tu peux en voir, genre, là, tu vas parler sentiments, là! Il y a des Pokémon, il y a un Poképark, en fait, dedans. Et aussi, on peut avoir des pets. Fait que si tu veux un chat qui soit ton pet, qui t'aide à... Soit tu peux le rider, si tu veux... tu peux rider un chat? Oui! Oh my god! Tu peux rider un poulpe! Tu peux rider un poulpe! Fucking rider un poulpe! Hey, regarde, pour que je dise fucking partout, là, c'est parce que je capote. Puis tu peux aussi faire en sorte que ça soit ton animal qui va t'aider à combattre. Tu peux même combattre contre un autre. Ça peut être des combats de pets Pokémon. Ça peut être une poule, ça peut être un zombie, ça peut être tout ce qui est vivant là-dedans. Puis d'ailleurs, restez sûr parce qu'il y a aussi là, dans 1.11, il va y avoir des lamas. Oh! Des lamas! Des lamas! Puis là, pour les rider, dans le fond, il faut des tapis. Puis ça a des tapis pleins de couleurs, là. Il va prendre la forme, pis tout, là, de la couleur que tu veux. Puis quand t'as plusieurs, dans le fond, tu peux mettre comme des coffres dessus les lamas. Puis là, mettons, s'il y en a un en arrière, si tu prends le 1, les autres vont suivre. C'est vraiment, vraiment bien fait, là. Fait que c'est pratique pour déménager. Mais c'est vraiment le fun, là. Tu vas avoir un petit qui va se shaker quand ils vont marcher, genre. Ouais, ils bougent. Puis quand tu les attaques, ils te crachent. Oh my god! J'en veux trop un! Dans 1.6, il y avait les ours polaires de nouveau, puis là, dans 1.11, c'est les lamas. Oui, je veux un lama, puis je veux un cochon appelé Wana. Faut que tu la serves. Arrête, là, tu me donnes de plus en plus envie. C'est ma job. Fait que là, elle est comme celle qui fait la publicité, genre, pis tout. On travaille très fort là-dessus, puis surtout, là, le serveur peut plus laguer si ça, tu lagues, c'est vraiment ton internet, parce qu'en ce moment, on a acheté vraiment un gros, gros serveur, un gros rack, puis tout ça, là. Il est au maximum, là. C'est juste hallucinant, il n'y a plus de lag. Quand tu fais slash lag, tu vois toutes les barres vertes, puis comme, oh! Fais du bien! Fait que, c'est ça. Ouais, je trouve ça nice. Ouais, ça va être ça, mon petit côté geek que je vais faire ce mois-ci. Cool. Moi, ça va être, ben, toi aussi, Anne. Il y a le Comic-Con de Québec à la fin du mois. Oh, c'est un peu oublié, loin. Imagine-toi donc. Ben, ouais. Puis, en plus, ben là, le Comic-Con, c'est le 22 et le 23. Le 22, c'est un samedi. Puis, après la soirée, ben, dans le fond, le Meltdown vient juste d'ouvrir à Québec. Donc, c'est le plus gros Meltdown au Québec. Puis, là, il y a une super soirée là-bas avec des petits rabais sur la boisson. Fait que moi, je vais y aller certain. Moi, là, j'espère, comme tu m'avais montré, qu'il va y avoir le 1 mètre de shooter pour 36$. Ah, ouais, moi, je l'ai spoté, celle-là! Moi, je suis sûre qu'on va mettre le party dans la place, là, pis genre, ils vont nous l'offrir. Hey! Je le sais! Tu pourrais le demander comme consommation gratuite! Si tu veux comme consommation gratuite, ben moi, je stream. Je voudrais bien parler de la lignée du 1 mètre de shooter. Je vais prendre des photos, puis on va mettre ça sur Internet. Mais hein, on va faire de la pub! Tchangalou! Mais c'est ça, donc c'est ça. C'est ça. L'année passée, le Comic-Con de Québec avait été un événement genre comme écœurant. C'est là qu'on s'était rencontrés pour la première fois pour la majorité d'entre nous. Fait que c'est sûr que c'est quand même émotif, là, de retourner là-bas. Puis sinon, j'ai eu le jeu Evolve. Je sais pas de quoi je me souviens. Claire, je pense que ton Nightbot est dans sa semaine, là. Il y a ses menstruations, je sais pas, là, on dirait qu'on n'est pas capable d'en prendre. Non, c'est parce que Nightbot, c'est un bot qui bam quand il y a de la répétition. Mais ouais, il a un petit peu de misère, il est susceptible à soir, je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça, je pense que dans sa semaine, il y a quelque chose qui marche pas. Hein. Mais, mon Dieu, excusez, j'ai faussé. Mais Ouais. c'est ça, fait que Record, mais je pense que ça va être un jeu que je vais jouer hors stream, relax, là, chez nous. Puis, parce que c'est ça, sinon, en stream, j'ai plus l'impression, j'ai plus le goût de me mettre vraiment au RPG, fait que je voulais essayer Xenoblade. Donc, voilà, c'est. J'ai jamais essayé, moi, Xenoblade. Moi non plus, c'est ma première fois. Il a été sorti un petit bout là sur Wii U. Donc, je vais l'essayer pendant que tout le monde va être sur Mario, Paper Mario. Moi, je vais être sur Xenoblade. C'est pour faire plus rejet encore. Le fait d'échouer et rejet, c'est comme, moi, je ne veux pas jouer à ce jeu-là, moi, je veux voir un autre film. Là Donc, là. voilà, c'est ça qui conclut notre super podcast, épisode numéro 5, avec comme invité la superbe Machi. Merci beaucoup d'être venue. D'avoir été Merci. là. Ben Merci à vous de ouais. m'avoir accepté. Ben là, n'importe Même si quand. je me suis imposée. Oh, Ben wow. Arrête de dire oui. ça, là. Non. On est toutes heureuses. Ben ouais, fait Il fallait que. bien quelqu'un pour faire en sorte que ma face s'est plus en full screen, là. T'as sauvé Ben. ma vie ce soir. C'est parce que Moi, j'ai le pensé bug à ça. de Skype maintenant, là, la raison que ça faisait les zooms, c'est parce que Skype met dans la même fenêtre les deux images en même temps. Donc, si on serait juste deux, ça le fait pas. Je sais pas si dans Puis, les options c'est possible de mettre ben, c'est ça, là. Tu sais, j'avais juste un petit laps de temps pour arranger ça. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui fait le zoom, parce que des fois, vous parliez les deux en même temps, puis le zoom se faisait. Donc, je sais pas, là. Je vais regarder, je vais mettre ça à jour, je vais essayer de checker pour plus que ça se reproduise, c'est certain. Des coups. Mais, tu sais, Skype, puis c'est mis à jour, hein. Fait que faut pas trop en demander. le problème. Bon. Fait que merci encore à tout le monde d'avoir été là, puis on va se dire au mois prochain. Bye! Bye! On finit ça sur Anne qui va aller voir ça. On va finir ça, puis Anne attend le gros plan.